j'ai trouvé que la séance de ce soir avait pour moi une grande importance parce que j'avais le sentiment de boucler ce soir et avec vous un cycle qui dure depuis peut-être une dizaine d'années. De séminaires que je fais, alors certains les suivent depuis longtemps, d'autres depuis moins longtemps, et que c'était aussi une séance de transition, parce que, comme je vois les choses, c'est un peu la dernière fois que je parlais de névrose obsessionnelle, dont j'ai quand même parlé quand même surabondamment ces dernières années, parce que l'année prochaine, je vais consacrer des séminaires à Bion, et ce sera beaucoup plus qu'une interprétation critique de Bion. Ce sera l'occasion pour moi, ce ne sera pas un séminaire sur Bion tout à fait ou exclusivement pédagogique, même si je vais essayer de clarifier un certain nombre de choses, du moins celles que je comprends ou j'estime dignes d'être clarifiées comme je peux, mais ce sera vraiment un séminaire, comme je l'imagine, comme je l'espère, d'élaboration plus dogmatique et plus personnelle de ce que j'appelle la psychanalyse, chose que je n'ai jamais faite. Chose même que le monsieur à côté m'avait demandé de ne jamais faire, le monsieur qui est en train de parler, et que, attends, c'est amusant qu'il soit là, et que donc je vais quand même essayer de faire l'année prochaine. C'est-à-dire, je vais essayer de... Et le fil conducteur, je vais revenir tout à l'heure de ce que je ferai, ce sera la question du langage en psychanalyse, des limites du langage. Autrement dit, ce sera vraiment quelque chose, une tentative de revenir sur ce que peut signifier sur des bases entièrement nouvelles que j'ai bâties par morceaux, etc. Vous avez entendu, à partir d'analyses logico-grammaticales, à partir de remarques que j'ai faites sur ce que c'était que les performatifs, la perlocution, etc. Quelque chose mais qui est un peu... nouveau sur ce que peut signifier une cure par la parole, dans un qui reposera sur une chose négative, c'est-à-dire je vais parler de psychanalyse, bien que j'ai été formé à ces histoires dans ce cadre-là, en essayant de vous montrer ce qu'il y a de radicalement insuffisant dans une conception du signifiant, une conception du langage étayée sur Saussure, et je vais parler de psychanalyse en parlant d'intuition. Voilà, et essayer justement de mobiliser des instruments entièrement différents. Et puis, c'est aussi une séance un peu particulière, parce que si je me sens de me lancer là-dedans, c'est parce que je voulais vous remercier pour trois choses. Je voulais remercier Isabelle, d'abord, Isabelle Robert, d'avoir, la dernière fois, présenté son travail d'une façon qui m'a particulièrement frappé, qui était aussi le fait que vous puissiez dire qu'au fond, de traduire un petit peu Rothstein, de lire Dubion, d'écouter des choses, vous avez permis de dire des choses sur précisément des gens qui ne parlent pas, et de maintenir la dimension éminemment problématique de ce que peut être la psychanalyse avec des patients comme ceci. Mais aussi ce qui pouvait s'étendre à la question du bébé, ou pour reprendre une remarque importante de Sébastien Smiaou, qu'on est quand même les seuls, enfin nous on s'en fiche parce que de toute façon on n'est pas à l'IPA, mais les sociétés françaises sont les seules qui permettent aux gens de devenir psychanalystes sans exiger d'eux un an d'observation du bébé. Bon. Et que ça c'est quand même un truc tout à fait singulier, qui est presque une dispense, faut une bulle du pape hein, pour dispenser de cela, mais c'est qui modifie, je crois, totalement ce que c'est que l'implication personnelle, le travail psychique, la notion de sensibilité, d'empathie, de contre-transfert, etc., quand on vous confronte à des bébés. Je me suis dit, mais oui, nous, il y a ça, mais quels sont les pays du monde où il y a des psychanalystes qui travaillent avec des handicapés des infirmateurs cérébraux, des handicapés comme ça, où l'autisme semble être un des malheurs qui les a frappés parmi toutes sortes de choses que la médecine isole, etc. Et j'ai trouvé que la question était très bien posée du contre-transfert quand on était confronté à la question de la justesse de l'émotion en psychanalyse. Que, par exemple, cette dame là, qui nous a tous fait sursauter en même temps qu'elle sursautait, posait la question de ce que c'est qu'une identification projective ou d'une projection identificatoire, de ce que c'est qu'un autre être humain, de ce que c'est qu'une émotion, de où elle est, hein, dedans, en elle, en nous, entre les deux, etc. De ce qui fait que les êtres humains sont des êtres humains, même quand ils ne sont pas pris dans cette chose qui s'appelle la parole explicite, propositionnelle, avec la possibilité de la fiction, du jeu, de tout ce que de l'énonciation, etc., qui était quand même assez sidérante. Et donc par là, finalement, était mis sur la table avec votre propre témoignage et puis aussi la façon dont vous l'avez présenté, la question des transformations psychiques de l'analyste, de ce dont il doit s'équiper, de ce dont il soit s'apparier pour sa tâche quand il est confronté à des situations où justement officiellement, c'est du déficit, hein, c'est des infirmes, des moteurs cérébraux, c'est des schizophrénies qui ont l'air tellement régressées que voilà, on est dans la démence, hein, des choses, c'est même les mots qu'on est tenté d'employer, ou les très grands autistes, hein, les autistes adultes, ou les autistes des enfants, etc. On est dans une vision du déficit, et là, peut-être que la psychanalyse serait la seule manière de maintenir avec ces gens-là, ces êtres humains-là, une chose qui. Un fil, un lien, un rapport d'égalité absolument intrinsèque, dans lequel si on ne comprend pas, ce n'est pas parce qu'ils ne savent pas, c'est parce que nous n'avons pas accès, c'est parce que nous manquons d'imagination, parce que nous n'avons pas les catégories psychiques qui nous permettent de saisir ce dont il s'agit dans ce type de choses. Peut-être qu'on ne les aura jamais, mais en tout cas, le simple fait de poser la question est quand même, je crois, absolument essentiel. Et voilà, donc je voulais remercier Isabelle pour la chose qu'elle a amenée la dernière fois. Et puis aussi Sébastien, qui a introduit, je crois, dans ce groupe un bricolage bionien, hein, tout à fait amusant, qui est d'autant plus sensible que ni lui ni moi, et je ne sais pas pour vous, mais enfin ça m'étonnerait, vu que le seul qui était vraiment bionien en France est Louis Goyena, et qu'il est mort il y a quelque temps. N'avons pas été analysés par des analystes bioniens, et que du coup, il y avait un côté sauvage, hein, incontestablement, dans la tentative qui a été faite par Sébastien de le tester sans les abris ou sans les diverses protections que peut procurer une institution, un cadrage théorique ou des choses de ce genre. Cette idée comme ça d'associer avec lui autour d'un fragment de cure d'une patiente dont nous ne savions rien et qui n'était pas la nôtre, je crois présenter de façon très très nue ce que c'est que de travailler sans mémoire ni désir. Sans mémoire parce que vous ne pouviez pas de fait vous appuyer sur quoi que ce soit qui aurait pu mettre en sens le fragment qui était là rapporté. Et que vous n'aviez pas non plus à vous inquiéter pour vous, hein, de ce qui allait arriver ni à la patiente, ni à vous-même, ni à Sébastien pour ce genre de choses. Et que dans un contexte pareil, il m'a semblé qu'à plusieurs moments dans ce travail de groupe, hein, d'association comme ça, qui est extrêmement commun à nouveau, je le rappelle pour ceux qui ne le savent pas, dans les groupes de l'IPA, c'est comme ça que se font les contrôles et les formations, mais pas du tout dans les groupes lacaniens, ou très très rarement, la question de savoir comment on peut tomber juste quand on est sans connaissance préalable du patient et sans rapport d'implication particulièrement personnelle, avec un désir ou un désir de l'analyste ou des choses de ce genre en jeu. Se trouvait, je trouve, particulièrement bien mis en évidence. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que je travaillerai sur la notion d'intuition. Est-ce qu'il y a une dimension du réel lorsque on est dans un contexte psychanalytique où on peut toucher quelque chose comme ça sans aucun appui, et précisément parce qu'on n'a rigoureusement aucun appui. Au point qu'on finit par se demander si ce n'est pas tous les appuis, chose que Bion ne cesse de répéter, mais évidemment, on ne peut pas le croire, précisément parce qu'on n'a aucun appui, quelque chose viendrait d'une manière absolument immanente, hein, chez quelqu'un qui a été analysé et qui a effectivement une formation, une réelle consistance dans sa position d'analyste, la capacité de toucher juste, hein, saisir quelque chose de juste dans le processus qui se passe là. Et puis, le troisième remerciement, c'est, je voulais l'adresser au petit groupe qui a traduit, qui n'est pas au petit d'ailleurs, Beam of Intense Darkness, que donc je vais consacrer, je vais passer mon été à préparer une copie présentable pour que nous puissions pas trop tard le publier cette traduction. Parce que de l'expérience, c'est la première fois que le groupe qui m'écoute comme ça se laisse entraîner dans un travail collectif. Parce que j'ai trouvé que la façon dont vous vous étiez laissé bousculer dans l'idée qu'on se fait de la psychanalyse en allant, et puis pas seulement intellectuellement, c'est pas juste une nouvelle façon de penser l'expérience psychanalytique, c'est aussi une nouvelle façon de réfléchir ou d'expérimenter de la pensée en psychanalyse, présente assez bien cette question du groupe et de l'interaction et des liens qui se tissent entre les gens quand ils sont engagés dans un travail de ce genre. Et c'est une pratique qui est, je crois, celle de cette traduction collective, de ces échanges, de ces relectures, etc., en dehors des liens sympathiques que ça crée entre nous. Je ne sais pas si peut-être que non, vous ne vous rendez pas compte, en tout cas les plus jeunes, à quel point c'est extraordinairement rare dans les communautés psychanalytiques. Parce que, ça suppose de faire travailler une partie de ce que c'est qu'on est, de ce qu'on est comme psychanalyste ou de son envie de faire de la psychanalyse, en étant complètement ouverte à l'hétérogénéité totale de ce que les autres peuvent avoir traversé, vu, etc. Sans aucun gradus, n'est-ce pas? Puisqu'il y a des gens qui sont analystes, des gens qui ne sont pas du tout. Il y a des gens jeunes, âgés, expérimentés ou pas. Et au fond, c'est ça qui est particulièrement rare dans les communautés analytiques que nous avons avec lesquelles il faut composer. C'est l'idée qu'il y aurait quelque chose à retirer du groupe lui-même. Bon. Lorsque Isabelle Robert et Sébastien Smirou se sont étonnés de trouver des mots pour dire des choses qui étaient jusqu'ici pas dites d'Ambion, je crois qu'il faut, il ne fait aucun doute que lire Bion, que le traduire, que traduire Grotstein, qui lui-même est un traducteur de Bion, puisqu'il présente une appropriation extrêmement particulière et singulière de Bion, sur laquelle je reviendrai. Ça a rendu possible quelque chose qu'une lecture solitaire paralyse. Parce que je crois beaucoup que, c'est la fameuse phrase de Melzer, que comment peut-on lire un truc pareil ? C'est une telle attaque contre le fonctionnement mental, un texte de Bion. Il n'explique rien, tout est totalement sous-déterminé. Ça a l'air d'une rigueur dont on ne comprend pas où elle se passe, en l'impression que ça se passe dans le ciel et qu'on voit un truc se déployer sans jamais pouvoir y avoir accès directement, que le travail collectif, la curiosité, les ponts, les intervenants montrent bien combien c'est distribué la compréhension d'un texte comme celui de Bion, et que si un individu seul essaie de s'y coltiner, c'est toutes ces résistances liées justement à la suréducation psychanalytique dont il peut être la proie, la victime, etc. C'est qui se le reliquat inanalysé de sa propre analyse qui va faire obstacle à l'intelligence du texte. Au point, puisque je suis en train pour préparer la copie là pour Itac de relire les séminaires qu'il a fait aux États-Unis à la même époque, où il est justement question de ce rayon de ténèbres intenses qu'il faut poser sur les choses, au point qu'on voit dans les contrôles, les conférences, etc., cette incompréhension se produire précisément par une sorte de suréducation, de blocage. Alors là, c'est l'ego psychology des gens qui écoutent Bion, qui est vraiment complètement là. Le kleinisme, ça leur est totalement impénétrable. C'est vraiment un truc de dingue pour eux. Ils se demandent s'il n'est pas. On le voit bien d'ailleurs qu'ils se demandent quelle est la pathologie de ce type qui est en train de leur parler de psychanalyse quand ils interrogent Bion. C'est ça, c'est cette attaque contre le fonctionnement psychique que, étrangement, je trouvais, le travail de traduction en groupe a relativement abrasé et permis de se débrouiller. Et donc, j'ai même tellement été ébranlé par les événements de cette année dans le séminaire que même si je crois qu'au fond j'ai fait qu'une seule séance, même si j'ai dû m'y prendre à deux fois, c'est celle que j'ai consacrée à l'analyse du désir et à la métaphysique cannibale de Phiféros de Castro. Je crois que c'est ce qui me donne le sentiment qu'on peut essayer de faire tout à fait autre chose. Et donc l'année prochaine, je vais vraiment me lancer dans une exploration que j'ai dans mes tiroirs depuis longtemps, hein, où je vais tisser ensemble, donc comme je vous disais tout à l'heure, une autre manière de prendre la question de la cure par la parole, qui ne va pas du tout, mais alors pas du tout passer par la question du signifiant, mais qui va être exclusivement construite à partir de la question de l'énonciation. Voilà. Et donc de ce que ça veut dire. Parce que je crois que ça, c'est un des aspects essentiels de la clinique de Bion, hein, qui, comme vous avez remarqué, ne s'intéresse beaucoup à ce que le patient veut communiquer, en titre d'émotion, de faire-faire, etc., et qui cite extrêmement rarement du matériau signifiant. Il le cite de temps en temps, là, comme dans l'exemple du Y staircase, dans un des où effectivement, alors en plus là, quand il en cite, c'est vraiment des cas complètement incroyables de cristallisation signifiante. Enfin, c'est rarissime. Et puis donc d'une linguistique, enfin, d'une approche du langage et de la parole qui est totalement non saussurienne, qui a aussi un intérêt, hein, tout bêtement. C'est que, de toute façon, maintenant, pour comprendre la linguistique saussurienne, il faut un dictionnaire historique, hein, puisque plus personne n'en fait. Donc, ça a totalement disparu. Et donc là, ça risquerait d'augmenter le côté dinosaure, même des conceptions psychanalytiques, si on en restait là. Puis l'autre chose, ce sera le travail sur l'intuition. Tout simplement parce que l'intuition, c'est le contraire du... L'intuitif, c'est le contraire du discursif. C'est une opposition fondamentale en philosophie, mais aussi dans toutes sortes en logique, mathématique, etc. Et que donc, le problème, c'est de comprendre comment on peut avoir cette idée d'une cure par la parole où la question est celle de l'intuition. Et ce que je développerai, c'est très simple, c'est l'idée selon laquelle le transfert, ça ne se déchiffre pas chez Freud, ça se devine. Vous pouvez déchiffrer un rêve, mais vous ne déchiffrez pas le transfert. Vous devinez le transfert. C'est vraiment, il y a la dimension de erraten, de deviner, qui est absolument centrale et qui implique donc que on ne puisse pas écrire les signifiants du transfert. Hein. S'il y a des signifiants, à un moment, il y a quelque chose là, même où l'écriture en termes de signifiant de quelque chose qui irait devient impossible, puisque, dit Freud, ça ne se déchiffre pas. C'est pas comme un rêve. Ça se devine. Or, si ça se devine, ça implique un fonctionnement qui est soit totalement irrationnel, n'est-ce pas ? Alors, on y va au pif, et ça renvoie aux qualités subjectives du flair de l'analyste. Soit on essaie de prendre la chose à bras-le-corps, et on se dit, il y a quelque chose dans le savoir qui est concerné dans la psychanalyse, qui n'est pas une question de flair et d'idiosyncrasie des analystes, mais qui est conceptuelle, qui est de nature, et c'est le pari de Bion, c'est de le penser en termes d'intuition, et même d'intuitionnisme, etc. Ce qui a toutes sortes de conséquences absolument majeures. Bon. Alors ça, c'était le hors-d'œuvre, mais voilà, je trouve que, je voulais vous dire que c'était un séminaire bizarre cette année, où j'ai pas eu l'impression d'apporter grand-chose, mais de recevoir beaucoup, et donc l'année prochaine, voilà ce que je vais essayer de faire, ça prendra certainement un tour bien différent. Ce soir, je vais conclure en essayant de vous parler, parce que je dois faire demain une conférence sur le sujet, j'ai été invité à parler dans une sorte de grand colloque, etc., dont le sujet, c'est la hantise. Bon. Et alors, vous voyez, ces espèces de machins un peu branchés que font les psychiatres en vacances. Donc voilà, ils ont organisé un colloque sur la hantise. Et on m'a demandé donc de venir parler de la névrose obsessionnelle, de l'angoisse, de ces choses-là. Et ce que je vais essayer de vous faire, c'est de vous... je ne vais pas vous faire l'exposé de demain, je vais vous en donner quelques indications. Mais je voudrais rapporter des questions bioniennes. Pour une raison qui est assez simple, qui est pédagogique, c'est que, comme vous savez, dans la tradition kleinienne, on n'utilise pas cette nosographie. Si vous tapez Mélanie Klein, névrose obsessionnelle, ou vous avez des gens qui vous parlent d'obsession ou de choses comme ça, mais il n'y a à proprement pas parlé d'acceptation de la nosographie psychiatrique dans le courant kleinien. C'est toujours complètement marginal, c'est toujours transversal, c'est des fragments de... Mais à proprement, il n'y a pas une doctrine psychanalytique de la névrose obsessionnelle, pas plus que de l'hystérie dans le kleinisme orthodoxe. C'est relativement récemment, même d'ailleurs, que par exemple Chris Bolas a écrit un bouquin sur l'hystérie ou des choses comme ça, mais qui reconsidère les questions rétrospectivement en essayant de retrouver du sens à ces notions-là qui ont complètement disparu dans la pratique de la psychanalyse dans les pays anglo-saxons. Et donc, je crois au contraire, moi, que la névrose obsessionnelle, c'est tout à fait autre chose qu'une simple catégorie nosographique. J'en suis longuement expliqué que ça valait certainement le coup de travailler sur l'angoisse en termes kleiniens dans la névrose obsessionnelle, en particulier de vous rappeler le pilier de la doctrine kleinienne de l'angoisse, la distinction entre les angoisses persécutives et les angoisses dépressives, dont la combinaison et l'intégration sous le chef des angoisses dépressives, dans cette alternance schizoparanoïde dépressive, etc., est constitutif du sentiment de culpabilité, puisque... Le coupable, c'est celui qui se déprime de s'auto-accuser de façon persécutive. D'un autre côté, une des dimensions très importantes de cette chose-là chez Mélanie Klein, j'en avais parlé, je pense que c'était l'an dernier, c'est de vous rappeler que les obsessions-compulsions dans le kleinisme, c'est des défenses maniaques. C'est du registre des défenses maniaques. Il y a eu un moment l'idée chez Mélanie Klein qu'il pouvait y avoir quelque chose comme la position obsessionnelle, et c'est finalement la position dépressive qui a été retenue. Alors maintenant, on m'a donné le mot hantise. Alors au début, je suis sensible au fait que tout ça c'est pour faire de la littérature avec de la clinique, c'est pas extrêmement excitant, et cependant. Il m'a semblé qu'il y avait une façon de se saisir du terme de hantise qui pourrait éviter de faire de la psychanalyse appliquée sur le cinéma de Hitchcock et autre chose, une belle chose que je vais entendre demain, d'aborder au fond à quoi ressemble le genre de névrose actuelle dont se plaint aujourd'hui un patient qui vient nous voir et qui, à une autre époque de l'histoire, parce que même s'il y en a encore aujourd'hui décaractérisés, aurait été considéré comme un obsédé, ce qu'on appelle un obsédé, quelqu'un qui a vraiment des images mentales, des scies mentales, des angoisses de faire des choses, des contraintes à les faire, etc., absolument permanentes, et qui vit dans une ambiance essentielle qui est celle du cauchemar. Le cauchemar étant un état onirique, et dans quelle mesure on peut interpréter la hantise comme un trouble majeur de la rêverie, un trouble majeur du sommeil, au sens bionien, c'est-à-dire que l'obsédé, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à rêver, au sens bionien. Il est d'ailleurs effectivement assez souvent cliniquement dans des phénomènes d'insomnie, où la mise en boucle peut aller jusqu'à des états de dépersonnalisation intense, et où, effectivement, quand on l'entend parler, on a quand même le problème que c'est très très difficile d'obtenir quoi que ce soit de l'ordre de la rêverie dans le fil associatif. Bon, c'est vraiment quelque chose de très compact. Et donc, peut-être que la hantise n'était pas un mauvais mot pour caractériser l'état de l'obsédé. Je reste très très classique. Quand c'est de la névrose actuelle, les gens sont des obsédés. Ils ne deviennent des obsessionnels que quand c'est une névrose de transfert. La névrose obsessionnelle, c'est une névrose de transfert. Et donc, elle implique des conditions d'établissement du transfert qui, comme vous le savez, sont extrêmement loin aujourd'hui d'être toujours réunies. La vie sociale et culturelle qui est la nôtre ne se prétend pas forcément à appuyer les gens du côté de la constitution d'une névrose de transfert obsessionnelle comme celle de l'Omura. Il suffit d'avoir, comme on a fait, comme je l'ai fait, fréquenter un peu les consultations de TCC des gens qui ont des TOC. Rien ne démontre que cette enveloppe formelle extérieure des troubles obsessionnels compulsifs, qui a le caractère d'une névrose actuelle bien typique, n'est-ce pas, puisse évoluer sous la forme d'une névrose de transfert. Pas du tout. Alors, je vais vous dire à ce sujet, puisque je parle des TOC et des TCC des TOC, comment la question de la hantise est finalement une question qui ressurgit de la configuration contemporaine que prend la névrose actuelle des gens qui sont aujourd'hui obsédés. En dépouillant un petit peu cette littérature, je crois que ce qu'on trouve de plus évident dans la manière dont les gens recueillent le propos immédiat, ça qui est très intéressant dans les TCC, c'est vraiment ils prennent la névrose actuelle et ils la décomposent en éléments assez fins. Il y a une clinique de la névrose actuelle des obsédés qui est très très frappante dans les TCC, puisque le principe c'est qu'on recueille la phénoménologie immédiate du trouble tel qu'il se présente, indépendamment de ce que l'autre, de celui à qui le symptôme serait adressé transférentiellement, hein, au point même qu'on peut changer les praticiens. Et donc, l'idée, c'est très simple, c'est des gens qui ont des représentations, on accepte la notion de représentation, des représentations angoissantes. Ces représentations angoissantes, la grande avancée dans la construction de cette névrose actuelle par les obsédés par les TOC, sous forme de TOC, une des grandes avancées, ça a été dans les années 80, j'en ai parlé, je crois, il y a 2 ans, quand on s'est aperçu qu'au fond, n'importe qui, à un moment ou un autre dans sa vie, peut être traversé d'une de ces représentations. Par exemple, de pousser quelqu'un sous le métro, de se mettre à hurler dans un... C'est ça. Sauf que, effectivement, c'est des choses d'une très très grande banalité. C'est extrêmement ordinaire d'avoir des idées comme ça, complètement farfelues, de se dire « Ah, putain, je pourrais prendre un couteau, ou jeter, blesser mon enfant, ou Dieu sait quoi ». Sauf que il y a quand même une partie extrêmement petite de la population qui en fait la maladie épouvantable qui est décrite sous le titre de syndrome des TOC. Et que ça a énormément préoccupé les cliniciens, parce que du coup, ils se sont dit, le problème, ça n'est pas le contenu des représentations ou le fait que les gens ont des représentations agressives, sexuelles ou des manies de ce genre, c'est qu'ils ont un mécanisme cognitif particulier qui fait qu'ils vont s'imputer de manière excessive la responsabilité d'avoir des représentations pareilles. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le fait d'avoir une représentation de ce genre comme quelque chose qui est censé être anodine, comme quelque chose qui est gravissime et qui les implique personnellement. Au point que Jack Rashman a pu, comme ça, proposer l'idée qu'il y avait des obsessions normales, qu'il est totalement impossible de nier qu'il y a des préoccupations courantes, c'est pas que notre fonctionnement mental est fait pour se préoccuper. Voilà, votre enfant est opéré, c'était les exemples qu'il prenait. On interviewe des mères, La matière même de l'enfant, de la pensée des mamans pendant qu'on opère leurs enfants, c'est des obsessions. Elle voit le gamin revenir mort, elle s'imagine qu'il y a un accident, et donc, ça, c'est des obsessions normales. Qu'est-ce qui fait la différence avec l'obsession pathologique? Et ça aboutit à la construction de ces thérapies cognitives des TOC, dans lesquelles ce qu'on vise, ce n'est pas les représentations, les contenus, les obsessions, c'est le mécanisme d'auto-imputation de responsabilité. Mais alors, le problème clinique qui s'est posé à eux, c'était de savoir comment on allait distinguer ces obsessions normales des préoccupations ordinaires de l'autre sigle bien connu des troubles anxieux, qui sont les troubles du trouble anxieux généralisé, le TAG, hein, le TOC et le TAG, qui sont justement des inquiétudes pathologiques qui ne se fixent sur n'importe quoi et qui, elles, en tant que préoccupation, avant même d'être des obsessions, avec auto-imputation de responsabilité, font énormément souffrir les gens. La question de la distinction clinique entre le TOC et le TAG est devenue une pierre de touche de la compréhension du mécanisme. Et ce que je trouve extrêmement intéressant, c'est que là, il se contente de désosser une névrose actuelle. À aucun moment, on s'intéresse à qui c'est adressé, dans quel contexte c'est fait, qui est-ce que ça évoque, comment ça s'inscrit dans un parcours de vie, pas du tout. Et alors, distinguer TOG et TAG, sur le papier, c'est super fastoche. Les TOG, n'est-ce pas, sont des représentations angoissantes contre lesquelles on se défend par des rituels. Et ces rituels sont des rituels volontaires. Hein. C'est-à-dire que quand une pensée horrible agresse l'obsessionnel, alors il prononce une formule dans sa tête, il compte jusqu'à 3, et l'initiation du rituel compulsif, l'initiation du rituel qui va être utilisé pour chasser l'angoisse de l'obsession, est une initiation volontaire. En revanche, lorsque vous avez des tags, il est complètement impossible des troubles de l'anxiété généralisée. Alors, tout est anxieux, quelqu'un va rentrer, la lumière va s'éteindre, j'ai oublié quelque chose chez moi, ça va tout. Il n'y a aucune possibilité de la volonté de construire un dispositif qui vienne tenir à distance cette angoisse, qui est toujours d'un degré inférieur à celle de l'angoisse de la grande obsession, hein, en général, sauf quand ça monte au trouble panique, mais c'est un peu différent, mais contre lequel il n'y a pas d'initiation de pensée ou de la volonté n'est jamais mobilisable pour lutter contre ça. La deuxième distinction sur le papier, très très simple, c'est que les trucs sont absurdes. Bien sûr que je suis une bonne mère et que je ne vais pas foutre un coup de couteau dans mon bébé, hein, ou le balancer par la fenêtre. C'est absurde. En revanche, les troubles de l'anxiété généralisée portent sur des préoccupations qui sont de deux types. Soit elles sont très très improbables, pas jamais impossibles ou absurdes, mais très très très improbables. Il va y avoir, si je vais voir ma mère, il va y avoir un accident de train. Bon. Soit extrêmement possible, tout à fait possible, mais du genre de choses auxquelles personne ne n'attacherait ordinairement de l'importance. Donc possible ou improbable, mais jamais absurde. Pas de trouble de l'anxiété généralisée à l'idée que je pourrais, sans m'en rendre compte, faire un truc absurde. Non, c'est toujours possible ou probable. La troisième distinction qui est extrêmement frappante, c'est que le moi ne veut pas de l'obsession. C'est égo-dystonique, comme on dit joliment dans cette clinique-là, tandis que les tags sont considérés comme congruents avec le moi. Ça, c'est des angoisses légitimes. C'est-à-dire que mon problème, c'est que je ne peux pas me rassurer avec certitude, mais j'ai de bonnes raisons dans mon angoisse. Je ne la considère ni absurde, ni intrusive. Ce n'est pas que j'en veux pas, c'est qu'elle est continue avec mon moi. Et puis, il y a deux autres distinctions qui sont presque, je dirais, descriptives. Hein. C'est que le contenu des obsessions est relativement fixe, tandis que le contenu des angoisses et des préoccupations, des soucis, hein, c'est « worries » en anglais, est un contenu flottant et insaisissable. Ça peut être absolument n'importe quoi, hein, vraiment. Où que vous mettiez la personne, elle va trouver de quoi s'inquiéter. Et ça change à tous les coups. Et que si dans la question de la responsabilité personnelle intense se pose directement dans la question des TOC, comment est-ce que je peux avoir des pensées aussi folles ? Il n'y a aucune auto-imputation de responsabilité dans le TAG. Le problème, c'est que les gens qui ont des TOC ont tous des TAG. C'est-à-dire que le problème, c'est que quand vous recevez les gens, vous avez une comorbidité. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a ces deux étiquettes-là et qu'on fait passer les gens, les scores mélangés, les gens, ils ont les deux. C'est qu'il y a des moments obsessionnels, quand il va bien, il reste toujours complètement anxieux tout ce qui se passe, tout ce qui passe en l'air, etc. Et que c'est ça, ce que j'appelle la hantise, c'est le continuum absolument permanent des deux. Je pense que tous ceux qui ont mené assez loin ici une analyse obsessionnelle voient bien qu'un des moments, il y a un moment dans le développement de la cure où les grandes obsessions, les coups de couteau, tous ces trucs-là, ça s'en va, c'est fini. Bon. Mais les patients restent dans une sorte de fébrilité anxieuse, dont justement un des objets, c'est la peur du retour de l'obsession. C'est l'idée qu'ils se sentent comme ça pourrait revenir à tout moment. Hein. Et donc, ils développent une préoccupation à l'égard des obsessions, laquelle se transforme très rapidement en obsession de préoccupation. Parce qu'effectivement, vous avez toujours cette idée. Alors, vous avez le cas classique de l'obsédé qui n'a plus aucune obsession, sauf qu'il est obsédé de ses obsessions. Il n'est plus capable de vous dire de quoi. Non, non, il pense plus à filer les coups de couteau. La maman ne pense plus à filer les coups de couteau à son gosse, mais elle est obsédée par elle ne sait pas quoi, mais quelque chose qui l'obsède. Qui est vraiment, il y a une obsession de l'obsession, une mise en abîme qui est extrêmement sensible et qui est symétrique avec la préoccupation de la préoccupation, qui est la condition de l'anxieux, dans laquelle il se fait du souci à l'idée de se faire du souci. Je me fais, et du coup, automatiquement, le souci se déclenche à l'idée même de se faire du souci, d'en avoir. C'est ça l'état de hantise. Qui est phénoménologiquement, je dirais, cette espèce de fixation dans un présent qui ne bouge pas, où tout est possible, le pire comme le moins pire, et quelque chose là est une sorte de dans lequel émerge ponctuellement une grande obsession, sur un fond relativement continu de préoccupations absolument permanentes, et qui fait ces tableaux difficiles où il y a un peu d'hypocondrie, des moments de trouble panique avec des personnalisations, surtout quand les gens sont bien cognés et que c'est des hommes qui viennent tard à la cure, à la thérapie, qui ont quand même passé la quarantaine et qui sont quand même de plus en plus difficiles à soigner parce que les ressources vitales qui pourraient les détourner de ça manquent. En tout cas, la hantise, ce qu'on appelle l'état de hantise, on a beau le dire, c'est tout simplement la névrose d'angoisse freudienne. C'est cette vieille névrose d'angoisse freudienne qui a disparu sous les coups de la psychopharmacologie dans les années 60, du jour où, c'était, je me rappelle plus, c'était Klein, je crois. Klein a découvert qu'on pouvait la désosser parce que quand on prenait des gens qui avaient des névroses d'angoisse et qu'on leur donnait des anxiolytiques de types différents, on pouvait isoler des sous-catégories particulières. Que donc le trouble panique, le trouble de l'anxiété généralisée, etc., répondent à des anxiolytiques différents. C'était la première dissection pharmacologique d'une entité. Mais jusque dans les années 60, la névrose obsessionnelle était la névrose d'angoisse, qui est une invention freudienne, qui est une des premières, même avant pratiquement l'invention de la psychanalyse, a été considérée comme une donnée de base de la psychopathologie standard jusque dans les années 60. Elle fait retour aujourd'hui quand vous avez une description de ce que c'est que la névrose actuelle des gens qui sont, voilà, qui ont quelques obsessions, des crises d'angoisse, un peu de dépersonnalisation, de l'anxiété sociale, hein, de la phobie sociale, des choses comme ça, et qui sont dans ce qu'on doit donc appeler un état de hantise. L'importance de l'appeler un état de hantise, c'est que là, vous voyez, ça me renvoie au problème du trouble de la rêverie. C'est-à-dire que cet état d'enfermement anxieux, où le réel dehors commence à perdre sa réalité. Parce que c'est ça, les gens se demandent si le monde existe, si vraiment leurs enfants, c'est leurs enfants, quoi. Si la femme avec qui ils couchent, elle est là, si c'est vraiment ça, sentir que le corps qu'ils tiennent dans leurs bras, c'est bien le corps qu'ils tiennent dans leurs bras. Aboutit avec cette mise en suspens, cette diminution de la qualité de la réalité du réel, parce que c'est fondamentalement ça, à se dire, mais c'est moi qui suis tellement enfermé que je ne sais même plus, quand je m'examine moi-même, si j'attrape quelque chose. L'introspection obsessionnelle finissant parfois par prendre ces spirales qui aboutissent à des crises de dépersonnalisation intense, hein, avec des crises de panique, littéralement. Je ne sais pas si je suis moi. Est-ce que moi, je suis moi, etc. Des questions qui se formulent très très bien dans le vocabulaire de la métaphysique idéaliste deviennent des enjeux existentiels du quotidien. Est-ce que moi, je suis moi, avec des paroxysmes anxieux tout à fait redoutables. Alors, c'est là où je veux me avancer en disant qu'au fond, l'état de hantise, c'est ce qui donne cette caractéristique essentielle à la névrose actuelle de l'obsédé, qui est fixé dans un cauchemar, les yeux ouverts. Lorsque vous écoutez quelqu'un là vous faire part de son angoisse, un grand obsessionnel, un grand obsédé faire part de son angoisse, ce qu'il vit, c'est un cauchemar, sauf qu'il vous parle les yeux ouverts. Et ça, c'est absolument essentiel, parce que le cauchemar les yeux ouverts, c'est vraiment là où vous voyez ce que quelqu'un comme Bion a pu attraper, l'idée qu'il y a quelque chose dans, la souffrance psychique qui a trait à l'incapacité de dormir et de rêver. Qu'il nous faut changer le sens de ce que c'est que dormir et rêver quand nous sommes confrontés à des situations de ce genre. Le symétrique inverse se trouve d'ailleurs chez Freud, puisque les grandes hystéries qu'il a vues, lui, et qu'on voit quand même relativement rarement aujourd'hui, c'est des hystéries visuelles. C'est des hallucinations de souhait dans lesquelles des scènes d'une intensité absolument terrible sont reproduites avec des visualisations de scènes, comme si l'image onirique se mettait à se superposer à la réalité, à exister en tant que telle, comme ça, dans, point très important, l'espace perceptif du patient. Ce qui fait la différence clinique fondamentale entre l'hallucination visuelle hystérique et certains phénomènes psychotiques ou d'hallucination visuelle, c'est que dans la psychose, l'hallucination visuelle se produit comme un déchirement ou une rupture de l'espace perceptif habituel du patient. Ça, c'est même vrai d'ailleurs pour les hallucinations auditives. L'hallucination auditive type, c'est les gens du dessus qui... C'est de l'autre côté du plafond. Ça, c'est psychotique. De l'autre côté du mur, on m'insulte. Mais quand quelqu'un entend une voix dans sa douche, là, pas du côté de l'autre côté du rideau, hein, mais dans sa douche, derrière lui, là, il se retourne, ça, c'est beaucoup moins clair. C'est pas évident qu'une voix qui sorte comme ça de l'espace dans lequel le moi pourrait comme ça projeter ses intentions perceptives, c'est pas du tout évident que là on ait affaire à quelque chose de psychotique. L'hallucination psychotique, c'est quand vraiment c'est marqué par une inaccessibilité réelle dans le champ de l'autre, de l'autre côté de la cloison. Et d'ailleurs, vous savez que c'est combien c'est comique. On s'amusait autrefois quand on avait des présentations de malades, on interrogeait les gens et on leur faisait toujours demander mais vous êtes allé voir dans la pièce, vous êtes allé voir le voisin. Et parfois, les gens changent de pièce, n'est-ce pas? Mais une fois qu'ils sont dans l'autre pièce, c'est de l'autre côté du mur que vient... Ou alors, les gens déménagent, c'est toujours dans une autre pièce. Ils fuient, quelquefois, les voix. Et ça, c'est absolument rigide comme forme de chose. Je ferme cette parenthèse pour dire que Freud a tout à fait eu l'intuition qu'il y avait quelque chose dans la qualité du rêve. Le cauchemar dans le rêve d'angoisse de Angstrom et dans l'hystérie qui était de ce type-là. Ce que je veux marquer à ce sujet, c'est que, mais ça peut-être que vous aurez des exemples ou des réflexions à ce sujet, l'obsédé, c'est quelqu'un qui est dans un état de rêve qui l'empêche de s'endormir. Pour rappeler de l'exposé qu'avait fait Gilles Deleysse sur Malcolm, qui faisait du rêve la conséquence nécessaire du sommeil. Il faut d'abord dormir pour pouvoir ensuite rêver. Je crois que ce à quoi on est confronté devant la névrose obsessionnelle, c'est que vous avez des rêves. Ils ne sont pas simplement des cauchemars les yeux ouverts, mais c'est des cauchemars qui empêchent de dormir. Au point que je me demande si quelquefois certains effets de vacillement narcissique ultime dans la dépersonnalisation ne sont pas liés au fait que la dimension de régression narcissique qui est absolument essentielle au sommeil est attaquée par la virulence de la symptomatologie. Et pourquoi ce rêve empêche-t-il de s'endormir ? Il empêche de s'endormir parce que c'est un rêve qui a une dimension très souvent hyper réaliste, hyper rationnelle, c'est-à-dire qui décrit quelquefois des situations profondément réelles, profondément vécues, etc., sauf qu'il les contracte dans une espèce d'horizon temporel dans lequel il y a une espèce de présent qui dure et qui ne bouge jamais. Je crois qu'il y a un rêve assez caractéristique des grandes obsédées. C'est souvent des femmes que j'ai entendu raconter ça, mais il y a certainement des hommes. C'est l'idée de passer sa nuit à lire un livre dont on ne lit qu'un mot. Et au fur et à mesure que le mot, on le lit, on oublie ce qu'il y a avant. C'est-à-dire qu'on a la fatigue épuisante de lire quelque chose, d'être assujetti à une lettre qui passe sans arrêt. Mais on n'arrive jamais à lire le texte, on ne se souvient de rien. Et le truc devient hyper angoissant parce que souvent, elle n'arrive pas à faire la distinction entre l'expérience qui s'est passée dans un moment où elle pensait qu'elle dormait et l'expérience qu'elles font au quotidien. C'est-à-dire que quand elles prennent un livre, de fait, au fur et à mesure qu'elles lisent le livre, les mots, la signification des mots s'efface. Un petit peu comme si le. Et alors non, ça ressemble quelquefois à des symptômes quasi neurologiques. Hein. C'est dit, les gens, mais c'est fou, quoi, qu'ils puissent pas. Et puis quand on les interroge, oui, ça se rappelle très bien de l'histoire. Mais ils ne se rappellent pas de l'histoire avec la jouissance consciente de la mémoire. Ils se rappellent de ce qu'ils ont lu quand on les interroge, mais ils ont perdu toute capacité de rappel conscient de ce qu'ils sont en train de lire, et c'est une souffrance. Je trouve que ces phénomènes-là sont très sensibles, puisque Freud lui-même. Oui, parce que là, on va crever. Hein. Ouais, merci. Freud, qui raconte toutes sortes de choses sur le fait que toutes les phrases. Ah, ouais, c'est le paradis. Hein. Freud, qui raconte toutes sortes de choses dans la trame d'Oitung sur l'idée qu'il ne faut jamais prendre une phrase intelligible dans un rêve pour autre chose qu'un morceau ou un fragment qui doit être associé, qui n'a pas de sens en lui-même, qui doit toujours être décomposé et réassocié avec d'autres figures. Il y a quand même une exception, c'est celle que l'homme au rat lui a apportée. C'est que dans les rêves de l'homme au rat, le texte des obsessions se révèle littéralement. Bon. Et donc, il en fait juste, si vous voulez, une exception à sa théorie du rêve. Le seul cas où des énoncés entiers, des phrases entières, sont réellement ce qu'elles signifient sur le plan inconscient, et non des formations qu'il faut décomposer, défaire et réanalyser, c'est les pensées de l'obsessionnel. Vous voyez bien que ça, rien que là, il y a déjà tout bion qui peut rentrer. C'est-à-dire un bion qui va vous dire non, mais c'est pas ça du tout. C'est qu'en fait, l'obsessionnel, c'est qu'il ne rêve pas. C'est précisément, Freud a raison, mais plus qu'il ne croit, c'est que rêver, c'est tout à fait autre chose que simplement s'endormir et avoir des représentations comme ça. C'est moins autre chose que l'état physiologique de sommeil dans lequel des représentations se produisent. C'est que ce qui est psychanalytiquement pertinent, c'est qu'en fait, si on a ces phrases-là, c'est qu'on ne dort pas et c'est qu'on ne rêve pas. C'est qu'on n'y arrive pas du tout. Ce sont des déchiquettements, des ruptures, des dilacérations du texte même, du tissu psychique lui-même, qui n'arrivent plus à se reconstituer. Ce qui n'empêche pas, hein, dit Freud, que ce rêve qui empêche de dormir se laisse interpréter comme le rêve standard freudien, le fameux rêve gardien du sommeil. Hein, sauf que là, il n'est pas du tout le gardien du sommeil. Et c'était d'ailleurs, bien sûr, la même chose avec l'hallucination hystérique. Je voudrais faire deux remarques sur ce que j'ai appelé le cauchemar de l'obsédé et sur la perturbation radicale de la rêverie, l'incapacité à accéder à un état de rêverie. Bon, je vais me contenter d'une seule, parce que l'autre, c'est pas très intéressant. C'est qu'il me semble qu'il y a toujours, dans le propos qui nous rapporte ces états étranges, une vacillation du sujet obsessionnel qui a l'impression de travailler avec un double système. D'un côté, il sait bien que ce qu'il dit, ce qu'il énonce, ou les phrases qui ont un contenu verbal parfaitement cohérent, rationnel, compréhensible par rapport à la réalité, et que d'un autre côté, le même énoncé se trouve être l'objet, malgré lui, d'un investissement démoniaque qui fait que tout d'un coup, cet énoncé va se mettre à se détacher et à fonctionner tout seul, et à parler tout seul à l'intérieur de lui-même. Quantité d'obsédés vous disent que la phrase qui est devenue une obsession chez eux, une obsession abominablement persécutive, a commencé sous la forme d'une plaisanterie, d'un jeu avec les mots, d'une phrase anodine sur laquelle ils ont simplement trébuché, et à nouveau avec cette espèce d'idée que c'est tellement incompréhensible que ça a l'air d'un symptôme neurologique. C'est-à-dire que le truc tout d'un coup se détache, et blablabla, se met en boucle et se met à devenir persécutant, et tout en gardant suffisamment de proximité avec le moi du patient pour qu'il ne l'attribue pas à une entité extérieure. C'est pas du tout xénopathique, c'est pas l'autre qui lui envoie des messages. Hein. C'est quelque chose qui se met de ce qu'il énonce à marcher tout seul. Une idée en passant, un sarcasme, parfois quelque chose qui était juste depuis des années un petit tic mental, tout d'un coup change de statut et devient une obsession persécutive. Alors ce qui est très étrange, c'est que la phénoménologie de l'énoncé lui-même, même si c'est une insulte lancée à quelqu'un ou un sarcasme, etc., la phénoménologie ne lui permet absolument pas de détecter pourquoi ce fragment-là, cette insulte lancée à quelqu'un dans la rue qu'il n'avait jamais vu, dans sa tête, etc., est devenu un truc qui s'est mis à partir tout seul. Et il a l'impression que tout le langage, toute la vie psychique fonctionne contre lui, en quelque sorte, comme s'il y avait une sorte de division en deux, le plus normal peut devenir le plus fou. Et que quand il examine le plus fou, bien souvent, il a beaucoup de mal à s'apercevoir que c'est quelque chose de tout à fait normal, d'où la stupéfaction habituelle des névrosés obsessionnels d'être traités par les autres comme des gens à peu près normaux, comme s'ils ne voyaient pas que tout ce qui les pénètre, les habite, les anime psychiquement, était en réalité fou, comme s'ils ne percevaient pas toutes ces données-là. Alors, Je laisse ce point-là pour aborder maintenant la question d'une hantise que je vais opposer à ce qu'on pourrait appeler, c'est pas du français de France, mais c'est du français du Québec, la revenance. Voilà. En québécois, on peut parler, on distingue la hantise et la revenance. Alors, c'est une distinction qui est un peu amusante, parce que les deux semblent faire référence au fantôme, à quelque chose comme ça. C'est qu'une hantise, c'est une fixation dans le présent. Dans la hantise, dans un état de hantise, il n'y a ni passé ni futur, on est collé au présent. La revenance, c'est le retour insistant de quelque chose qu'on ne cesse de conjurer. C'est-à-dire que dans la revenance évoque bien évidemment la souvenance, qui n'est pas exactement la mémoire, hein, qui est la venue, comment on dit en anglais, remembrance, n'est-ce pas? La traduction de à la recherche du temps perdu, c'est remembrances of things past en anglais. C'est l'idée qu'il y a un état, comme ça, qu'il y a un état qualitatif et affectif dans lequel ça vous revient, et qui n'est pas exactement le fait d'avoir la mémoire de quelque chose. C'est d'être pris comme ça par des réminiscences, comme on a essayé de traduire quand on parle des réminiscences de l'hystérie. C'est pas des souvenirs exactement. C'est des choses beaucoup plus diffuses qui envahissent, qui affectent et qui saisissent la totalité de l'âme et qui ne se laissent pas circonscrire dans des représentations parfaitement détaillées, mais qui font histoire, qui font des rêveries, des choses qu'on se raconte, que l'hystérique se raconte, par exemple, hein, dans la réminiscence hystérique. C'est pas un truc dont elle se rappelle, c'est toute une histoire dont elle se rappelle et qui l'envahit. Donc la revenance renvoie à la souvenance comme ça, avec l'idée qu'il y a non seulement des fantômes, mais qu'il y a aussi une cyclicité. C'est deux choses qui sont tout à fait importantes. Il y a un cycle. ça désigne la revenance. C'est comme ces expressions qui existent, pas en français de France, pour dire qu'on t'a regretté en bien. C'est-à-dire qu'on aurait bien aimé que tu restes, n'est-ce pas ? On t'a regretté en bien. On ajoute en bien pour modifier l'idée de regretter. Cette idée de revenance et de fantôme, de prise de possession de l'esprit qui est saisi par quelque chose qui lui revient, c'est peut-être, et là je vous renvoie à ce que je vous avais dit en discutant dans la névrose obsessionnelle de ce qui est à mon avis l'origine de la névrose obsessionnelle en Occident, ça renvoie à l'expérience que nous pouvons avoir encore de ce que c'était qu'être une possédée par le démon. Je crois que si on veut essayer d'approcher à travers les siècles ce qu'a été pu l'expérience des possédés, une possédée, il y a 3 degrés, hein, disent les théologiens, il y a la tentation, l'obsession et la possession. La tentation, le diable est en dehors de vous et vous propose un objet, toujours un objet dans la tentation. Dans l'obsession, le diable adhère à toutes vos opérations mentales et ne cesse de vous assiéger. C'est une idée de siège par le démon. Et la possession, c'est quand le diable agit vos propres facultés mentales, sauf la volonté, puisque la volonté reste absolument intouchable dans le sujet possédé. Et si le sujet possédé ne veut pas être possédé, il y a toujours cette possibilité du salut, c'est qu'on ne peut jamais le faire vouloir quelque chose qui est contraire, mais on peut l'agiter, lui mettre des choses sous les yeux, lui faire sentir toutes les autres facultés de la perception, de la motricité peuvent être prises par le diable, moins la volonté. C'est que le lien entre obsession et possession, c'est un lien qui s'est incrusté dans le signifiant. Puisque on le voit un trait linguistique qui est tout à fait frappant, c'est que obsédé, ça devrait être, ça, comme ça vient de obsidere en latin, ça, on aurait dû avoir des obsessions en français. Et d'ailleurs, le mot est resté dans obsidional, par exemple, dans des mots savants comme obsidional, le i est resté. C'est par contamination de la possession que l'obsession est devenue, le i a été remplacé par un e. Donc c'était absolument sensible pour les gens qui avaient là, entre la possession et l'obsession, un tel rapport que le glissement dans la ce qu'on appelle une contamination en phonologie est allé de la possession vers l'obsession. C'est la raison pour laquelle, comme j'explique dans « Âme scrupuleuse, vie d'angoisse et tristes obsédés », le moment où est apparu en Occident l'obsession comme phénomène social dans lequel une crise collective, une identité collective se construit, c'est plus simplement le monopole des clercs, des allumés là, qui font des pratiques de macération dans les couvents, mais qui est quelque chose qui se répand chez les femmes de la bourgeoisie et qui devient un objet absolument central de la constitution de l'identité chrétienne. C'est au moment même où être obsédé et le standard, c'est la norme. Un bon chrétien, c'est quelqu'un qui est hanté par l'idée du péché possible. C'est ça, le bon chrétien. C'est au même moment que les sorcières disparaissent. C'est la grande crise de sorcellerie, etc. Disparaît entièrement. Le Urbain Grandier, il est cramé en 3 coups de cuillère à peau. Tout le monde sait que de toute façon, c'est pas une histoire. Grandier, c'est un mec qui a juste couché avec les gens qu'il fallait pas, on le brûle vite fait. Le vrai problème, c'est les possédés, c'est plus les sorcières. C'est au moment où les sorcières disparaissent, on a une ancienne figure de la possession qui disparaît, que de la possession diabolique de la sorcière, que la figure de la possédée apparaît, et que la technologie spirituelle mise en œuvre pour répondre à cette intrusion de l'autre, qui est une intrusion intime, dans laquelle on est soi-même intimement concerné, c'est l'obsessionnalisation des possédés. Là où elles disent « le diable m'attaque », la technologie qui va être déployée, c'est « vous ne vous surveillez pas assez, c'est vous qui ouvrez la porte au démon ». Et donc, dans âme scrupuleuse, vie d'angoisse et tristes obsédés, je raconte minutieusement comment cette technique est inventée par Jean-Joseph Surin, avec comme idée très forte, n'est-ce pas, que on va utiliser l'obsession pour faire descendre d'un cran la possession démoniaque et construire un nouveau sujet qui s'auto-observe. Ce que Jean-Joseph Surin appelle la culture de l'intérieur, et pour laquelle il mobilise les exercices de Loyola, etc. C'est là où se fabrique l'individu. C'est un des lieux de fabrique de l'individu occidental, comme j'essaie de le montrer, qui n'est pas le politique, c'est pas le contractualisme, etc. C'est l'idée d'une autosurveillance mentale, d'une conscience morale comme autosurveillance mentale permanente, qui permet de mettre à l'écart la figure traditionnelle du mal, du tentateur. Alors, dans ce dont nous héritons aujourd'hui, moi, je crois que la difficulté essentielle, c'est que ce dont nous héritons, c'est une situation qui est totalement différente de celle de la constitution de la conscience morale. Voilà. Et que nous ne disposons, parce que je crois que ça se laisse interpréter jusqu'au surmoi freudien. Le surmoi classique freudien, un type comme le Moura appartient à cette constellation anthropologique de l'auto-surveillance mentale, de donner des prises à la tentation, au désir, etc., au contrôle de soi, au rapport à l'idéal, etc., qui est mise en place depuis le XVIIe siècle. Il semblerait que apparaissent de façon plus massive aujourd'hui d'autres choses, d'autres phénomènes qui posent ce que j'ai décrit avec l'histoire de Monsieur Paramore dans la fin des coupables, dans lequel on est obligé de penser autrement ceci, et donc on est obligé de le penser en particulier sans le surmoi freudien, mais on est obligé de penser des formes de cruauté dans l'autocontrôle ou dans l'autocontrainte qui sont d'une certaine manière beaucoup plus dévastatrices parce qu'elles ne sont plus encadrées par les supports sociaux que vous donnerait simplement la conscience morale, la religion, etc., le devoir, des choses de ce genre qui supposent des structures hiérarchiques, des structures qui sont très peu démocratiques, etc., et qui ne laissent pas notamment les figures de l'autonomie se déployer complètement. Alors, j'avance sur ce point en faisant remarquer qu'est-ce qu'on a pour penser après Freud autre chose que la naturalisation de ce surmoi qui existe déjà dans les stratégies d'obsessionnalisation des individus. On n'a guère que ce que Mélanie Klein a proposé, qui est de tenir compte très fortement des deux angoisses qu'elle postule à l'origine de la fabrique du sujet humain, c'est-à-dire du moment où le sujet humain va être confronté à la pulsion de mort, à la destructivité. Le sujet humain est confronté à la destructivité sous deux aspects, l'angoisse persécutive et l'angoisse dépressive. Et que, pour Mélanie Klein, qui en cela reste profondément freudienne, la voie naturelle, la voie normale de résolution, c'est une intégration de ces deux angoisses, et de l'angoisse persécutive sous l'angoisse dépressive. C'est-à-dire, dans une écriture que vous trouvez chez Bion, SP flèche D, le schizoparanoïde de la dimension persécutive sous la dépression. Et les indices cliniques qu'elle nous donne, et qui sont extrêmement palpables dans la clinique des grands obsédés, sont très simples. C'est qu'à partir du moment où cette intégration se fait, on passe de quelque chose qui est une alternance extrêmement tenaillante chez certains pseudo-obsessionnels qui sont en réalité des paranoïaques, entre la certitude et la perplexité. C'est-à-dire que ils ont apparemment des symptômes obsessionnels. Sauf que quand on essaie de les surmonter par des moyens strictement comportementaux, c'est-à-dire en les habituant à faire, malgré leur angoisse, précisément ce qui les angoisse le plus, on a un traitement comportemental, c'est ce type de patient-là. Le patient interrompt la thérapie parce qu'il dit « Non mais là, si je le fais, attendez, on arrête. Ma mère va vraiment mourir. C'est non négociable, ça. Ma mère va vraiment mourir. » Tandis que justement, dans là, tout d'un coup, vous voyez, ce qui le laisse perplexe, hein, alors ensuite il dit « Non, c'est pas possible. » Mais en même temps, il y a un effet de certitude qui revient. Tandis que dans l'obsessionnel ou l'obsédé standard, l'obsédé qui n'est pas psychotique, le doute est permanent. Or, le doute, c'est la capacité à intégrer un peu de vrai dans le faux ou un peu de faux dans le vrai. C'est justement une capacité à faire en sorte que vous puissiez être à la fois perplexe, mais quand vous êtes perplexe, en réalité, vous avouez que vous savez très bien de quoi il s'agit. C'est pour ça, d'ailleurs, que Mélanie Klein, à un moment, caressait l'idée qu'il y avait une position obsessionnelle qui était absolument essentielle dans le développement du sujet humain. Pourquoi ? Parce que... il y avait une intégration ainsi possible du surmoi. La première forme d'intégration du surmoi, c'était la conscience morale. Et le surmoi horrible, celui qui se présente en clinique, par exemple sous la figure des parents combinés, cette espèce de rapport sexuel atroce dans lequel on ne fait pas la distinction entre le père et la mère, mais on est sûr d'une chose, c'est que leur véritable proie, c'est l'œil ou l'oreille ou la bouche de l'enfant qui consomme, là, à l'extérieur de la pièce, ou devant eux, le rapport sexuel des parents, les parents combinés. Ce diable, puisque c'est ça, les parents combinés, c'est le diable, hein, c'est la figure de l'homme animal, du masculin féminin, du monstrueux attirant, etc., qui est son expression presque iconographique standard, hein, de ce que c'est que... Que le diable, ce surmoi-là est un surmoi dévorant et anéantissant. Et que la position obsessionnelle, elle le concevait, dans les très rares mentions où elle en fait, comme le passage de ce surmoi-là au surmoi de la conscience morale. Parce que la conscience morale, ça vous permet, par rapport à cette figure édipienne originaire et angoissante des parents combinés, d'être un bon fils ou une bonne fille. Il y a la possibilité d'être un bon fils ou une bonne fille. Et l'origine de la conscience morale, ce qui tient la conscience morale chez chacun d'entre nous, c'est d'être un bon fils ou une bonne fille de ses parents. C'est possible. On va pouvoir par là se séparer de la figure horrible des parents qui sinon, des parents combinés qui nous anéantissent et qui nous dévorent. Et ça implique à la fois le doute et le fait d'être un bon fils ou une bonne fille, ça implique une certaine forme d'intégration du mauvais objet dans le bon. C'est-à-dire qu'on peut... Le doute, c'est quand même un état où on n'est pas sans savoir et on n'est pas sans accepter une vérité. Ça veut dire qu'on l'accepte, on n'arrive pas, mais on n'est pas à s'en accepter. Le bon fils, c'est justement quelque chose qui peut se tenir devant le père ou la mère, mais se tenir devant sans être nécessairement et immédiatement dévoré et anéanti par les parents combinés. Et donc, dans le développement qu'on fait ici, c'est que la possession classique, c'était quelque chose d'entièrement persécutif. Dans les textes que je cite, là, au XVIIe siècle, au moment où la possession va changer de sens, le diable, il arrive du dehors et il saisit la pauvre possédée. Il est entièrement persécutif. Et les affects dépressifs sont des conséquences de la persécution par le diable. La mélancolie est conséquence de la persécution par le diable. C'est le diable qui vous rend mélancolique. Dans le nouveau paradigme de l'obsessionnalisation, c'est la position dépressive qui intègre la position persécutive. Et sous quelle forme ? Sous la forme d'une persécution interne, d'une auto-accusation. C'est la possibilité de passer d'une accusation qui est une attaque du démon à une auto-accusation qui est une persécution dépressive du sujet par lui-même, dans le sentiment de la faute. Et c'est par là que se constitue, je dis que ce paradigme va jusqu'à Freud et que seul Mélanie Klein le décompose en éléments qui nous permettent de retrouver une autre combinatoire possible. Et ce que je trouve génial chez Bion, c'est que Bion a parfaitement vu qu'il était possible ce que Mélanie Klein nous apportait de le repenser sous d'autres formes. C'est ce que j'ai essayé de faire avec le cas Paramore, qui ressemble, qui a des tas de traits, obsessionnels, mais aussi neurasthénique, mélancolique. Des collègues me disent, mais t'es fou, ce type c'est un psychotique, c'est une psychose blanche, tout le monde a son explication de la chose. Mais ce qui est essentiel, et d'ailleurs ils ont peut-être raison, le point essentiel, c'est que c'est d'essayer de penser d'autres régimes d'articulation des angoisses dépressives et des angoisses persécutives. En particulier, une chose fondamentale dans la névrose obsessionnelle, c'est la culture de l'intériorité. Il faut que vous puissiez avoir un espace mental privé à l'intérieur duquel tout se déchaîne, pour vous auto-accuser dans votre coin comme ça, pour passer votre vie à macérer votre culpabilité. Lorsque cet espace intérieur est un espace de plus en plus nettoyé et vide, ce que je suggérais, c'est que le déchaînement de la pulsion de mort se fait sur le corps. C'est-à-dire que vous avez de plus en plus de gens qui sont hypochondriaques dans leur phénomène. Alors, Monsieur Paramore, lui, il avait poussé le bouchon vraiment extraordinairement loin de ce côté-là. Une hypochondrie, mais qui n'est pas une hypochondrie délirante, qui est simplement le fait que là où le persécutif ne peut plus être intégré par la culpabilité, où est-ce que la pulsion de mort va se reporter? Sur le corps. Et notamment dans un ravage d'être mal tout le temps, d'avoir mal tout le temps, sans jamais réussir à pouvoir identifier les choses. Ce qui fait que pour beaucoup de gens qui ont lu le texte, tu vois bien que là, c'est manifestement une hypochondrie mélancolique. C'est dans ce registre que ça se nomme comme hypochondrie mélancolique, sauf que bon, je veux dire que transférentiellement, c'est pas une hypochondrie mélancolique, il n'y a aucune certitude chez le patient. Il ne sait pas qu'il est déjà malade et qu'il ne fait pas reconnaître sa maladie. Il est, même ça, il n'en est pas sûr. Il reste dans un suspens alors qu'il a l'étendue du ravage de l'hypochondrie d'un mélancolique ou d'un paranoïaque. Donc voilà un des premiers points que je voulais dire, c'est sur cette hantise, c'est comment au fond une approche kleinienne aboutit à un point où tout d'un coup vous disposez d'éléments, angoisse dépressive, angoisse persécutive, position schizoparanoïde, position dépressive, position obsessionnelle, que l'on peut tout d'un coup faire jouer autrement. Bion, c'est juste quelqu'un qui là où Mélanie Klein a pensé quelque chose de linéairement intégratif, et qu'elle pensait comme beaucoup plus profond, intégrant plus l'enfance, la psychose, etc., que le schéma de la métapsychologie freudienne, c'est lui qui va juste prendre toutes ces notions-là et les traiter comme une combinatoire pour penser, en dehors de tout processus de développement psychique, d'intégration de l'objet partiel de la personne, des pulsions, en dehors de ce type de choses qui le rattachaient encore à Freud, des pures positions subjectives. Au point que, même si dans sa pratique il était extrêmement kleinien, dans sa théorie il fait fonctionner le dispositif dans une toute autre dimension. Par exemple, il va se mettre à mettre deux flèches. La flèche entre le schizoparanoïde et D, n'est-ce pas ? Elle est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il y a toujours, pour qu'il puisse y avoir des objets qui nous persécutent, encore faut-il que ces objets soient constitués d'une certaine manière, qu'ils aient pris une certaine épaisseur. Donc il y a déjà, pour avoir des parents combinés, c'est déjà une proto-personne, une quasi-personne. Et donc il y a quelque chose de la position dépressive qui est déjà au travail dans la constitution de ce type d'objet persécutant lui-même, en tant que persécutant. et que les objets, certaines figures d'objets dépréciogènes, par exemple, sont en réalité des objets persécutants à l'intérieur du corps, par exemple, à l'intérieur de l'esprit. Donc il va dialectiser tout ce qui était pris dans une dimension d'intégration en stades successifs. Alors, l'autre chose que je voulais soulever, c'est le lien de la revenance à la répétition. La doctrine standard et la pratique clinique de la cure des obsédés, elle est, je dirais, tout à fait simple dans la, et elle a été au fond, c'est, en fait, on la comprend, je trouve, mieux quand on voit en quelques phrases comment Mélanie Klein expédie cette chose-là, en faisant remarquer qu'un rituel obsessionnel, c'est un jeu qui a tourné au vinaigre. Qui se lave les mains, qui vérifie, qui réalise des choses ou qui se raconte des histoires, c'est un jeu. C'est un jeu qui a tourné au vinaigre, c'est un jeu sans joie. Un jeu sans maîtrise, qui n'aboutit pas à une maîtrise, sans aucun plaisir de réitération, sans symbolisation, et finalement sans détachement de l'objet et du partenaire de jeu. On ne peut pas laisser le jeu, on ne peut pas changer d'objet ou changer de partenaire. Examiner un rituel obsessionnel, c'est vraiment... Alors, c'est pour ça, d'ailleurs, qu'elle va dire, avec cette espèce d'évidence qui fait qu'on ne comprend plus de quoi elle parle, que c'est une défense maniaque. C'est-à-dire que là où le jeu est censé permettre l'intégration, le jeu, dans le rituel obsessionnel, dans le comportement compulsif, n'arrive pas à produire la séparation. Ce qui fait que les gens sont extrêmement frappés du fait que c'est absurde ce qu'ils font, mais qu'ils ne peuvent pas arrêter de le faire. Et que, d'une certaine manière, on n'est jamais très très loin de pouvoir éclater de rire. Et que, effectivement, si les gens pouvaient voir au cinéma ce qu'ils font, c'est très amusant. Un obsessionnel au cinéma, c'est toujours un personnage comique. Et même un obsessionnel est capable de voir son propre symptôme au cinéma. J'ai eu l'exemple il y a un certain temps déjà. Maintenant, il voyait un obsessionnel qui était, je crois, un policier quelconque, je ne me rappelle plus, dans une série que je ne connais pas. Mais il disait, voilà, c'est exactement moi. Et alors, ce que je ne comprends pas, c'est que quand je le vois, je suis mort de rire. Mais quand c'est moi, c'est atroce. Et avec la surenchère, vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point c'est atroce, qui est un truc essentiel, qui est la signature de la... que c'est pas une psychose, c'est que le type il se dit vous ne pouvez pas l'imaginer à quel point c'est atroce, et que l'interprétation standard du symptôme obsessionnel dans la clinique kleinienne, parce qu'il n'y a pas de névrose obsessionnelle à proprement parler, mais il voit bien ces phénomènes là, ça consiste justement à extraire le jeu, à retrouver le jeu, à voir non seulement avec quel objet on jouait, mais aussi dans l'interprétation du transfert, qui est toujours une interprétation dans le moment, hein, ik et nunc, comme ils disent, avec quel partenaire obscur. Quel est ce partenaire obscur avec lequel on joue ce jeu qui n'arrive pas à arrêter et qui fait qu'on ne peut pas quitter la table, sauf à être puni. Et c'est toujours extrêmement important de détecter, de déceler dans le transfert, disent les Kleiniens, que celui qui punit, c'est le partenaire obscur, c'est celui qui vous empêche de quitter la table de jeu, et qui est là où l'autre croit se laver les mains, ou vérifier les choses, ou bien être pris dans je ne sais quel rituel infernal, celui avec qui il joue. Et là, je crois que la nuance peut-être la plus grammaticale, la plus exacte qu'on puisse donner des modalités énonciatives de la chose, c'est que, vous savez, on observe souvent chez les enfants un usage qui est toujours sidérant, parce que c'est les grammairiens. On a l'impression que c'est une faute de français, les grammairiens. Pour un grammairien, ça n'en est absolument pas une. La façon dont des enfants extrêmement tôt, et sans même l'avoir entendu, semble-t-il, on maîtrise l'imparfait modal. C'est, on disait, c'est ça l'imparfait modal, on disait que c'était une fée, on disait que c'était, etc. C'est-à-dire, l'imparfait modal, c'est un imparfait qui, à la différence de l'imparfait temporel, sert à marquer une atténuation de la réalité de ce dont on parle. Et cette atténuation de la réalité, par exemple, vous l'avez dans une formule que d'ailleurs Lacan utilise assez souvent, c'est quand on utilise l'imparfait précédé de « pour un peu ». Pour un peu, on y passait tous. Ça ne veut pas du tout dire que ça se passe dans le passé. Ça veut dire que ce qu'on essaie d'attraper dans le « pour un peu, on y passait tous », on est passé si près que l'événement qui était simplement possible aurait pu devenir réel. C'est en ce sens qu'on parle d'un parfait modal. C'est pas la dimension temporelle qui compte, c'est que entre le possible et le possible a failli, en quelque sorte, devenir réel. Et d'ailleurs, c'est ce « pour un peu » qui est, je crois, l'index, un des index grammaticaux de la manifestation de l'objectita dans la langue, dans l'expression de l'angoisse. « Pour un peu », on y passait tous. C'est ce « un peu-là », ce « un peu » qui n'a pas eu lieu, qui aurait pu faire passer impossible dans le réel, qui est l'indice de la fonction de l'objectita dans l'angoisse. Comparez cela avec le conditionnel irréel, qui est la modalité archétypique de l'expression anxieuse du trouble psychique de l'obsédé. On aurait dit que. C'est pas « on disait que tu étais là », c'est « on aurait dit que ». On aurait dit que le truc n'est pas tout à fait droit. Une sorte de modalité du conditionnel irréel qui fait que lorsque l'événement approche, c'est toujours et que pour un peu il se serait presque produit. C'est que même les gens disent il faut m'arrêter, la maman dit il faut enlever le bébé là parce que je ne sais pas ce que je pourrais faire. Elle décrit vraiment les choses au sens où le possible pour elle est toujours au bord de devenir un réel absolument apocalyptique. En particulier dans les phobies d'impulsion, c'est absolument caractéristique. Il y a un sentiment qu'on va assister à un processus où malgré soi, ce à quoi on a pensé va se réaliser. On pourrait parfaitement, voyez, dire, quand on est une petite fille, on dirait que tu serais la maman, etc. On n'est pas obligé de dire on disait. On peut parfaitement utiliser le conditionnel irréel. Mais le fait que les enfants puissent attraper comme ça, c'est là ce qui montre quand même que la langue, c'est un truc qui est incrusté en nous. C'est comme dit Chomsky, quoi. On a l'impression que c'est inné. La maîtrise de ces dimensions, de certaines de ces dimensions grammaticales et sémantiques de la langue est tout à fait fascinante. Que les enfants le disent comme ça, ça indique justement la possibilité de la rêverie. Et le moment où ce qui est terrible dans la névrose obsessionnelle, c'est que la substance de cauchemar dont est fait l'état psychique du patient, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça redevienne du jeu. L'attitude de rêverie dans laquelle les mêmes éléments pourraient devenir, s'intégrer, permettre une maîtrise, etc. Quand on parle de la maîtrise anale, ça me fait bien marrer. J'arrive pas à comprendre comment les gens peuvent parler de maîtrise anale dans la névrose obsessionnelle. Au contraire, les gens, ils sont traversés par leurs étrons, ils peuvent pas les retenir. Il y a aucune maîtrise dans l'analité obsessionnelle. C'est un contresens total. Celui qui a de la maîtrise anale, c'est le paranoïaque. Il n'y a rien qui sort, qu'ils ne veulent pas, et si on essaie de le sodomiser, alors là, il vous tue. Psychiquement, hein, ça entend. Mais, enfin, pour la sodomie, parce que pour le coup de couteau, ça peut être réel. Mais il y a le paranoïaque qui a de la maîtrise anale. C'est au contraire, ça foire, hein, c'est que de la liquéfaction, c'est l'incapacité à retenir. Il n'y a aucune maîtrise anale, c'est ça justement la tragédie de l'obsessionnel. Ce petit écart entre on disait et on dirait, je crois que c'est ce qui vous permet de vous mettre sous les yeux ce que Bion appelle l'écran bêta et l'écran alpha. L'écran bêta, c'est retourner contre les particules psychiques qui vous attaquent, ses propres particules psychiques qui vous attaquent. C'est en quelque sorte une sorte de retourner ce qui attaque contre ce qui attaque, en empêchant toute pénétration de l'appareil psychique. L'écran bêta s'oppose à l'écran alpha en ceci que la rêverie de l'enfant, c'est celui qui lui permet de sélectionner dans les éléments avec lesquels il joue, ceux qui le nourrissent, n'est-ce pas ? Et ceux qui le nourrissent et non pas ceux qu'il va expulser ou contre-expulser à mesure même qu'il rentre à l'intérieur de lui-même. Le pour un peu, qui joue tellement le rôle chez Lacan d'indice de la présence de l'objet ptita, et je fais ce rapprochement parce que c'est aussi mystérieux chez Bion. Il y a une affinité essentielle entre l'objet ptita chez Lacan et l'écran alpha chez Bion. Et l'ambiguïté d'ailleurs de l'écran alpha qui peut se retourner en écran bêta. Vous connaissez tous dans la phénoménologie de l'obsédé cette chose dont les gens se plaignent constamment, c'est qu'entre eux et la réalité, il y a une sorte de film invisible, de vitre. Leur peau est gourde et ils n'arrivent pas à se saisir des choses. Ils baisent, mais ils n'arrivent pas à attraper vraiment ce qui est chaud, brûlant, jouissant dans leurs mains. Ou alors, vous voyez, le film alimentaire, mes patients parlaient d'un film alimentaire. C'est comme si tous les objets étaient emballés dans un film alimentaire qui vous prive de l'accès à la vitalité même des choses, à la sensibilité. Et donc, avec ce double effet, n'est-ce pas, d'être enfermé à l'intérieur de soi, une sorte de, comme si le monde était recouvert d'une surface impénétrable, permanente. Vous voyez exactement là-dedans ce que c'est que la matérialisation imaginaire de l'écran bêta. C'est-à-dire de quelque chose qui empêche l'accès au réel. Sauf que c'est complètement dialectique. Parce que là où l'obsessionnel se plaint d'être au niveau dans sa, le discours est conscient. Là, l'obsessionnel se plaint de ne pas avoir accès à la vitalité des choses, au réel du réel, comme ils disent quelquefois. Souvent, vous avez remarqué, depuis Janet, à moins qu'ils lisent tous Janet, je suis très frappé de voir que Janet le décrit très très bien. Les gens se plaignent qu'ils voient bien qu'ils sont dans le réel, mais ce qu'ils n'arrivent pas à attraper, c'est le réel du réel, le vrai du vrai, en quelque sorte. Ils s'en plaignent, ça, c'est le discours conscient. Mais ce que vous déchiffrez toujours, bien qu'il soit peu recommandé de l'interpréter de but en blanc, c'est l'horreur refoulée que on puisse pénétrer ce réel. C'est-à-dire qu'en fait, ce film si frustrant qui vous empêche de toucher à l'autre, c'est une protection qui a été étendue soigneusement sur l'autre, parce que Dieu sait ce qui pourrait se passer si les pulsions perverses de l'obsessionnel se déchaînaient sur l'objet qui l'a rendu inaccessible par ce film qu'il a déposé sur les choses. Et c'est là où je crois que vous percevez très bien ce que c'est que dans la névrose obsessionnelle, pourquoi c'est pas n'importe quelle névrose, et je maintiens que ça reste vraiment un objet qui permet de penser, par exemple, le passage entre Lacan et Bion, par exemple, c'est que toutes sortes de choses au niveau du régime énonciatif, des procédés d'atténuation de la réalité entre le jeu, le cauchemar, etc., mais aussi de la présentification imaginaire d'un réel auquel on n'arrive pas à accéder, se construisent très naturellement comme des écrans. Très, très, très, il n'y a pas du tout ici à aller chercher midi à 14h, vous le voyez, cette question de l'écran. Et alors, la dernière chose que je voulais pointer, c'est pourquoi la revenance a un trait essentiel thérapeutique par rapport à la hantise. Alors, de la revenance à la hantise, je dirais en quelque sorte que la revenance, c'est le moment où la névrose actuelle est devenue une névrose de transfert. Pourquoi ? Parce que c'est seulement une intervention analytique qui est possible du lieu où le patient a commencé à installer son analyste, qu'il est possible justement de sortir de ce pur présent. Le passage du névrose actuel, c'est de sortir de l'actualité obsédante, encore plus fixée de la névrose, pour en faire quelque chose où ce présent sert à conjurer le retour d'un passé. Et ça passe par une réarticulation de la temporalité. Alors, la figure classique, le père d'Hamlet, du fantôme, c'est le mort qui réclame son dû. Et le mort qui réclame son dû, en bonne doctrine freudienne, c'est le père. Bon. Alors, tout le monde sait bien que les névroses obsessionnelles éclatent fréquemment après des deuils. À ma connaissance, seul Lacan et seul Mélanie Klein se sont posé la question de savoir pourquoi, quand on perd un être cher, non seulement on est triste, mais aussi on est anxieux. Pourquoi il y a indubitablement des phénomènes anxieux dans le deuil? Et ce sont les seuls à s'être posé la question, Lacan est dans le... je ne me rappelle plus quel séminaire, dans l'angoisse, dans le séminaire sur l'angoisse, et Mélanie Klein partout dans les textes sur la maniaco-dépression, parce que... et puis aussi parce que pour Mélanie Klein, l'affect originaire, c'est l'angoisse. La dépression, c'est une déclinaison de l'angoisse. C'est l'angoisse qui est dépressive. C'est pas d'un côté l'angoisse et de l'autre la dépression. C'est parce que quand on a perdu quelqu'un, ce qu'on a perdu, c'est jamais seulement un objet d'amour, c'est jamais seulement quelqu'un qui comptait pour nous, c'est quelqu'un pour qui on comptait. Ça, c'est le point qui est tout à fait essentiel. Quand vous perdez quelqu'un que vous aimez très fort, non seulement vous perdez cette personne, mais vous perdez en perdant cette personne quelqu'un pour qui vous comptiez. Et le fait d'être laissé en plan par l'objet qu'on a perdu est intrinsèquement angoissant. Et c'est pour ça que nous fabriquons dans le deuil non seulement des souvenirs de ce que l'objet pouvait nous apporter de bon, mais nous fabriquons aussi dans le deuil, et alors ça c'est extrêmement sensible dans les deuils amoureux, l'intolérable perte du regard que l'autre jetait sur nous, des attentes que l'autre avait pour nous, des désirs que l'autre avait pour nos choses, que nous n'arrivons pas à visualiser autant que l'image narcissique qui nous complète. Qui, au contraire, à l'intérieur de cette image narcissique qui nous complète et dans la perte qu'on nous déprime, est un trou. Et un trou angoissant. Et c'est souvent extrêmement frappant de voir que dans l'image de celui qu'on a perdu, il reste quand même un regard qui fait trou dans celui qu'on avait, et qui est tout à fait autre chose que la blessure narcissique. En mettant l'accent sur les angoisses persécutives que le deuil contient, et pas simplement des angoisses dépressives, vous voyez comment, du coup, l'objet de la hantise, le fantôme qu'on a perdu, prend une toute autre allure. C'est que, d'une part, ce qui fait qu'il y a une angoisse dépressive dans le deuil, c'est d'être laissé en plan par le mort, ou par l'objet perdu. Et donc, de vouloir le rappeler, non parce qu'il nous manque, mais parce qu'on ne supporte pas de ne plus lui manquer. C'est cette idée que celui qui est mort ou celui qui est parti, on ne lui manque plus. Et ça, c'est déprimant. Mais il y a une angoisse terriblement persécutive qui est contenue, enveloppée, dans le meilleur des cas d'ailleurs, par cette angoisse dépressive d'appeler celui à qui nous manquions. Et cette deuxième angoisse, c'est que le revenant vienne réclamer son dû. Et que le revenant vienne réclamer son dû, c'est de réclamer ce qui a le plus de valeur pour nous. Et c'est le moment où approche au plus près de la conscience l'objet du fantasme. Ça qui a le plus de valeur. Et l'objet du fantasme, il va apparaître comme ce dû que réclame le fantôme dans le deuil. Et là où tout d'un coup vous êtes au plus près dans votre perception de votre condition, de l'objet qui vous tient, que vous ne pouvez pas voir dans un miroir, que vous ne pouvez voir que dans le désir d'un autre. Alors évidemment, c'est toujours dans le deuil emballé à l'intérieur du fait qu'on appelle cet autre. Mais l'autre qu'on appelle parce qu'on ne supporte pas de lui manquer, ce qu'il va réclamer, c'est l'objet qui a une suprême valeur et que nous ne voyons pas, qui est l'objet du fantasme. Dans tous les cas, ce que vous attribuez au revenant, c'est du désir, et non seulement du désir, mais un objet à leur désir, et un objet totalement flippant, qui fait que le deuil chez Mélanie Klein se résout pour des raisons qui n'ont rien à voir avec les descriptions freudiennes. Le deuil chez Mélanie Klein, il ne se résout pas du tout, parce qu'au bout d'un certain temps, à force d'avoir idéal, il faut surinvestir l'objet, et puis c'est, une fois qu'il est complètement surinvesti, on peut s'en détacher. Absolument pas. C'est parce qu'il y a un rééquilibrage chez Mélanie Klein qui se fait, entre l'idée que, bien sûr, on ne supporte pas d'avoir été perdu comme objet par l'autre, mais c'est tellement angoissant, l'apparition de l'objet qu'on était dans le champ de l'autre, que on préfère finalement passer à autre chose. C'est une toute autre économie. Et qui se complique d'ailleurs d'un autre statut donné à l'identification, hein, à l'identification mélancolique. En tout cas, quel est le cœur de ce à quoi l'obsessionnel a affaire lorsqu'il déclenche son deuil? C'est qu'il n'arrive pas à symboliser l'autre qu'il appelle. L'autre qu'il appelle, et alors qu'il appelle Q-U-I-L, et Q-U-I, plus loin, L-appelle. Il n'arrive pas à le symboliser, et qu'il en reste, il n'arrive pas à le symboliser, parce que le rituel dans lequel il est enlisé ne lui permet pas justement de faire apparaître celui avec qui le rituel est joué. Et donc, c'est d'ailleurs un trait, je crois, qui atteste de la tristesse de la condition moderne. C'est que chez les gens civilisés, c'est-à-dire ceux que nous appelons d'habitude les sauvages, il y a deux étapes quand on perd quelqu'un. Il y a le deuil et il y a les funérailles. Le deuil, c'est pour le chagrin. Les funérailles, c'est pour l'angoisse. Tout simplement, il y a le deuil dans lequel vous pleurez. Et puis ensuite, il y a les funérailles où on met le mort dans un endroit où il y a un cercle tout autour. Ça s'appelle un autel, un temple, etc. Et on est bien sûr qu'une fois qu'il a été mis là, il n'en reviendra pas. Il ne reviendra pas sucer le sang des vivants. Et ce sont là deux phases absolument essentielles, le deuil et les funérailles, le traitement de la tristesse et le traitement de l'angoisse, hein, où le mort reçoit une place symbolique à qui, ensuite, on peut régulièrement faire des sacrifices, des offrandes, etc. Et quand un mort revient posséder un vivant, hein, par exemple, on va dans tous les cultes de possession africains en Afrique de l'Ouest, en particulier ceux qui ont été décrits par Andras Zampini, c'est très clair. Vous passez d'une possession où le mort, la fin de la possession, c'est un adorcisme, c'est pas un exorcisme, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire qu'on va fabriquer un autel, et ensuite le retour cyclique de la possession va devenir une manifestation ritualisée impliquant un sacrifice, une libation, etc., qui remet le mort à sa place, et les morts à leur place et les vivants à leur place. C'est une toute autre construction du dispositif. Or nous, ça, c'est quand même vachement important pour nos patients de porter ça au niveau, je dirais presque, du savoir anthropologique de où nous sommes. Nous confondons tout, nous écrasons dans ce qu'on appelle notre deuil la dimension du traitement du chagrin et la dimension du traitement de l'angoisse. Et en particulier, avec cette idée inepte qu'il ne faut pas que ça dure longtemps, pourquoi les deuils durent très longtemps? C'est pas les chagrins qui durent très longtemps, c'est les états anxieux qui durent très longtemps. Et les gens sont hantés. Ils sont hantés, ils sont dans la hantise. Ils sont pas dans le chagrin, ils sont dans la hantise du mort, ils n'arrivent pas à s'en décoller. Et c'est ça qu'on appelle souvent ces deuils qui n'en finissent pas. Alors évidemment, comme ils sont hantés tout le temps, ils pleurent. Et donc on croit qu'ils sont dépressifs. Ils sont pas dépressifs, ils sont anxieux. C'est toute une opération extrêmement particulière qui est rendue impossible dans notre culture parce que, pour plein de raisons, nous n'arrivons pas à dissocier ces moments symboliques. Et là, je crois que c'est lié à la psychanalyse, c'est pour ça que je la rapproche tout le temps de l'anthropologie. Si vous n'avez pas cette espèce d'articulation des ancrages symboliques des différents jeux des affects, les gens, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Surtout que nous n'arrivons pas à nommer ces phénomènes de hantise. Quelqu'un qui voit apparaître un fantôme comme ça, il va redire « je suis vachement dépressif » ou un truc comme ça. Mais c'est pas dépressif, c'est de l'angoisse. Et faut que je conclue, hein, parce que là j'ai encore une douzaine de pages, hein, donc je vais m'arrêter. Je voudrais conclure en travaillant sur une sorte de faute que j'ai toujours faite, un lapsus. J'ai toujours trouvé idiote la phrase « Dis-moi qui tu hantes, je te dirai qui tu es ». Parce que je prenais « hantise » au sens... En fait, c'est parce que « hanter » ici signifie dans ce français-là « fréquenter ».« Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ».« Dis-moi qui tu hantes », etc. En revanche, je trouvais beaucoup de sens à dire « Dis-moi qui te hante, et je te dirai qui tu es ». Voilà, c'est vraiment parce que j'ai la tête montée à l'envers par la psychanalyse, donc effectivement... Ben, dis-moi qui te hante. Alors ça, je comprends. Dis-moi qui te hante. En réalité, je vais jouer là-dessus pour conclure. C'est que la cure psychanalytique des obsédés prétend que l'état de l'obsédé enfermé en lui-même, dans le secret de ses obsessions, enfin dans son état de névrose actuelle, c'est de la transformer en une névrose de transfert. Et que alors là, l'obsédé va devenir un obsessionnel, et c'est dans cette névrose de transfert que les coordonnées fondamentales de son symptôme vont se déployer entre le patient et le psychanalyste. Bon. Alors, le phénomène extrêmement subtil, et qui est justement rendu impossible phénoménologiquement dans les thérapies cognitivo-comportementales des obsessions. Le phénomène extrêmement subtil, c'est que si justement vous adoptez l'attitude standard consiste à pas trop l'ouvrir et à laisser venir, au lieu d'être interventionniste et d'attaquer le symptôme au niveau comportemental, qu'est-ce que va devenir le patient obsessionnel? Le patient le plus chiant du monde. C'est-à-dire que le patient obsessionnel va devenir un patient obsédant. Littéralement obsédant, un patient qui ne se lassera jamais de vous ensevelir sous les circonlocutions réflexives du désossage, d'épiotage minutieux de sa ratiocination symptomatique, en vous pointant toujours avec des petites giclées de haine bien situées toutes les 3-4 séances à quel point vous êtes nul. Hein. Et que d'ailleurs, ça continue comme ça, il va retourner en TCC parce qu'il ne voit pas la différence. Hein. Nous voyons souvent plus tôt maintenant des gens qui ont déjà fait des TCC et qui sont confrontés au fait que, effectivement, c'est très efficace pour enlever les grands pics, mais que ça laisse les gens constamment dans cet état de hantise. Ça enlève très efficacement les grands trucs de lavage qu'aucun psychanalyste n'a jamais réussi à enlever. J'ai jamais vu de psychanalyste qui guérissait les tocs de lavage. Ça, c'est sûr. En revanche, avec des techniques comportementales, ça marche extrêmement bien. Sauf qu'ensuite, une fois qu'ils ont perdu leur crise paroxystique de tocs dépersonnalisantes, la vie est complètement odieuse. Donc, ils viennent voir le psychanalyste, puis ensuite, ils retournent voir la TCC, puis ils reviennent voir le psychanalyste. Des choses comme... Donc, c'est cyclique. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'il vous obsède. C'est que ce qu'il faut réussir à comprendre, c'est qu'un obsédé, c'est quelqu'un qui obsède l'autre. Ça, qui le une fois que vous avez réussi à identifier ce que c'est qu'obséder l'autre qui est obsédé, la moitié du travail est fait. Il s'agit de placer un autre entièrement sous son contrôle, à capter son attention et à s'approprier ses intentions thérapeutiques. Le transfert, ça n'est absolument rien d'autre que de devenir celui qui est assiégé par l'obsédé. C'est uniquement quand vous allez commencer à voir autour de quoi il ne cesse de tourner, comment ces circonlocutions, c'est comme les, vous savez, comme dans les westerns, quand les Indiens se mettent à tourner autour de la caravane, là, comme ça, en faisant you, you, you et en tirant. Là, vous voyez cette scène de western là, où les Indiens se mettent à tourner. C'est exactement ça, le dispositif de l'obsessionnel, c'est de tourner tout autour. Et lorsqu'on est sommé d'écouter pendant des heures et des années le cercle magique des patients, dans lequel ils tournent sans cesse, où ils vous font manger littéralement votre impuissance thérapeutique, que les choses commencent à prendre forme. C'est quand on s'occupe d'enfants obsessionnels qu'on voit très très bien, là c'est absolument génial, c'est une expérience qu'il faut avoir fait pour comprendre tout d'un coup ce qui se passe avec les adultes. Des parents viennent vous voir vous décrivant un gosse qui a des tocs, c'est monstrueux. Alors on dit, ah, c'est bien terrible, mince là, il faut absolument tout faire comme ça, il faut prononcer les mots d'une certaine manière, il faut s'asseoir toujours à gauche, à droite, etc. Vous voyez le gamin, il est avec ses parents, zéro symptôme, rien, mais vraiment rien. C'est le gamin totalement normal, on ne prend pas du tout ce qui se passe. Et parce que il ne vous a pas encore fait entrer dans la danse, le gamin. Les parents... Il y en a un qui se met à gauche et l'autre qui se met à droite. C'est la crise d'angoisse. Il faut ouvrir les fenêtres, il faut l'intuber. Enfin, c'est vraiment apocalyptique. Hein. Mais vous le voyez dans le cabinet avec les parents, un gamin charmant, etc., posé. Oui, j'ai bien une voix qui vous raconte. Où est le symptôme? Alors, on le prend comme ça et progressivement, vous voyez comment s'institue le dispositif. C'est ça qui le rend si extraordinairement relationnel. C'est que le gamin avait l'air normal parce que vous n'avez absolument pas mesuré à quel point le parent de gauche et le parent de droite avaient mis cette paire de chaussures, parlaient de cette façon-là, sont rentrés dans cet ordre, etc., etc. Ce qui fait que pour produire la normalité, il faut que tout soit complètement esclavagisé autour de l'enfant obsessionnel, sauf que vous n'avez pas vu pourquoi. Et que vous n'êtes pas dans le dispositif d'esclavagisation. C'est seulement à partir du moment où le gamin va commencer à plus pouvoir supporter vous parliez d'une certaine manière, que vous parliez d'un certain objet, que les jouets ne soient pas rangés au même endroit dans le truc, qui manque, je sais pas, le Playmobil parce que l'autiste d'avant l'a bouffé ou un truc comme ça, qu'à ce moment-là, vous allez quand même réussir à vous apercevoir que là, il essaie de s'emparer de vous. Mais ça, je trouve ça qui est complètement fascinant, c'est qu'au début, on ne le voit pas du tout. On ne le voit pas du tout. Et ce qui apparaît dans le développement d'une cure obsessionnelle apparaît en deux temps. C'est que d'abord, il y a la révélation du fait que cet autre obscur est attaqué. C'est cet autre-là qui est attaqué. Et c'est extrêmement frappant quand il est mort. Comme le père de l'Homura, quoi, où Freud s'aperçoit au bout d'un certain nombre de séquences qu'en fait, il croyait que le père était vivant. Mais non, celui dont on lui parle au présent, avec cette espèce de vigueur, en fait, il est mort il y a de nombreuses années. Et là, tout d'un coup, on voit très bien la sueur au front de Freud en se disant... Bon, je termine vite fait. Bon. Oui, quand on rentre. Et c'est ensuite, après qu'il y ait eu ce phénomène d'attaque, c'est de voir que l'angoisse que peut éprouver le patient devant la rage qui se déploie contre celui qui l'obsède. Et qu'en fait, il ne peut pas vivre sans son regard. D'une part, donc, l'obsédé vous empêche de penser, ça c'est un truc qu'on observe extrêmement facilement, mais ensuite, s'il vous empêche de penser, c'est parce qu'il vous empêche de penser au pire qu'il vous veut. Et c'est là où vous voyez très bien comment le pire qu'il vous veut est extrêmement impressionnant, quelquefois. C'est-à-dire que c'est même pas quelque chose qui va pouvoir s'énoncer. C'est même pas quelque chose qui a la forme... On dit souvent c'est des fantasmes horribles, très content quand on tombe sur des fantasmes pervers, mais parfois, je dirais pas qu'ils sont tellement pervers qu'ils n'ont pas de forme présentable, c'est qu'ils ne peuvent être qu'inférés de la protection dans laquelle vous êtes en réalité maintenu par l'obsessionnel dans le transfert. C'est que s'il vous protège à ce point, c'est parce qu'en fait on est obligé de supposer derrière qu'il y a une haine absolument horrible. Et une haine qui vient toujours de quelque chose de totalement justifié. C'est pour ça que c'est très important de maintenir l'exclusion de la culpabilité du champ de l'association. Tiens, je le fais d'ailleurs comme des interventions. J'interdis aux gens de parler sur le mode de l'auto-accusation. C'est que l'obsédé a les meilleures raisons du monde de se protéger de ça. C'est que si vous grattez, apparemment, il y a eu un moment crucial du développement du gosse, où la mère regardait à travers l'enfant. Bon, par exemple, épisode dépressif, crise conjugale, etc. Et donc l'enfant s'est senti mais absolument lâché, comme un espèce de truc qui se mettait à flotter, qui s'est posé complètement avec un sentiment de contingence qui l'affecte terriblement, un peu n'importe où. Comme s'il avait été obligé de s'identifier au premier truc qui passait et qu'il en ressentira jusqu'à la fin de ses jours un sentiment d'inadaptation au monde dans lequel il vit qui est absolument tenaillant et que ça, je ne crois pas que ça se guérisse. En revanche, ça peut être aussi une mère tellement intrusive, une mère qui jouit tellement à fond, une mère qui rêve tellement pas à son gosse qu'elle en jouit positivement. Je crois que le truc le plus fin qu'on puisse dire comme ça, c'est le moment où l'enfant, dans la névrose obsessionnelle, c'est un enfant qui peut avoir senti un moment qu'il est sorti de la rêverie de la mère. Et je dis bien ça n'est pas quelque chose qui se produit à 7 ans, très tardivement, comme Freud raconte. C'est quelque chose qui peut se produire extrêmement précocement, qu'un enfant peut avoir le sentiment d'être sorti de la rêverie de la mère. Soit parce que la mère est dépressive, soit parce que la mère est maniaque. Je pense très clanien de ce point de vue. Soit la mère jouit trop, et elle jouit dans le réel de l'enfant. Soit elle regarde à travers, et il n'y a plus rien qui s'accroche. Et en tout cela, l'obsédé a les meilleures raisons du monde, hein, puisque ce qu'il a préservé en fabriquant le symptôme qui maintenant l'emprisonne, c'est les conditions de son propre développement psychique, et en particulier les conditions de sa séparation en tant qu'objet. C'est toujours ça qui est très, très, très étrange, en particulier quand on voit les petits enfants obsessionnels, c'est que si on touche à leurs symptômes, on a l'impression qu'on va les livrer à la folie de la maman. Ce qui est quand même extrêmement embêtant. Ou à la folie du père, ou à la violence du milieu dans lequel, en particulier les violences religieuses, hein, c'est, je me souviens, famille musulmane, comme ça, c'est complètement démentiel, quoi, où les gens, le Coran leur servait d'appareil psychique, enfin des récitations comme ça en arabe, dans lesquelles des gens qui étaient fous, hein, auraient pu comme ça, et c'était finalement, l'enfant se protégeait en obsessionnalisant de ce type de jouissance-là. Et ce qui dissipe la hantise, c'est uniquement, c'est là où je reviens sur la question de l'alpha et du bêta. C'est uniquement ce qui permet à quelqu'un de supporter de ne plus protéger les fantômes de ceux qui l'ont aimé, de la haine culpabilisante qu'il mérite pour les fois où ils nous ont fait mal. Et que, quand je dis ce qu'il permet, c'est qu'il n'y a pas de cure d'obsessionnel, vous voyez bien, c'est pour une raison logique, c'est pas qui puisse aller sans la fabrication d'un artefact. Il y a toujours, dans toute cure, la fabrication d'un artefact. Mais c'est un artefact qui, dans la névrose obsessionnelle, a un certain caractère, je crois. Parce que la forme que prend la haine, qu'on ne peut pas dire, hein, qui est une forme qu'on ne peut que inférer de la manière dont vous êtes traité dans le transfert, la forme que prend celle, c'est d'infliger à l'autre la même détresse que celle qu'on a subie, hein, avec un effet de jeu forcé. C'est-à-dire d'obliger l'analyste à rentrer dans un jeu dans lequel on a soi-même été obligé de rentrer pour essayer de capter et de maintenir l'autre. Et donc, le sortir de ce dispositif-là suppose l'invention d'un artefact. Et cet artefact, il est toujours un dérivé, un sous-produit, de ce qui fonctionne dans les fantasmes des obsessionnels comme un bouchon anal. C'est-à-dire comme ce qui leur permet toujours de négocier en un point particulier de l'écran qui les sépare du réel. Il y a un lieu qui est fantasmatiquement investi comme un anus. C'est par un anus que ça rentre dans le que le jeu avec le réel passe, c'est qu'il y a un bouchon en ce lieu-là. Ça vous explique pourquoi, observation qu'on a souvent fait, quand on réussit à faire parler un homme obsessionnel de l'homosexualité et de la sodomie, il y en a toujours on en touche toujours un bénéfice. Il y a là tout d'un coup un imaginaire qui se remet en mouvement. Bon, de l'homosexualité, ça allège toujours vraiment considérablement les obsessionnels. Mais plus structurellement, c'est que ce bouchon anal, là, c'est lui qui doit être transformé en une structure qui permet de maintenir ouverte et de pratiquer une véritable réversion de l'écran bêta en écran alpha. Une réversion qui est topologique. Et alors cet objet-là, quel peut-il être ? Bon. Il peut être bien des choses. Ça peut être une forme d'humour, par exemple. Ça peut être une forme d'humour qui va réintroduire dans la dimension grimaçante de l'expression des obsessions quelque chose qui fait rire. Mais qui sera toujours un humour noir, un humour teinté d'une amertume extrêmement intense. Et il me semble toujours que les gens qui ont des solutions par l'humour, ce sont ceux qui sont allés le plus loin sur le chemin de la mélancolie. Et puis il y a des solutions qui sont plus imaginaires, qui sont des solutions qui ont toujours, me semble-t-il, trait au travail de la surface. C'est souvent des gens qui vont, alors, je sais pas, que ce soit l'écriture, la peinture, enfin des objets de ce genre, ce sont des gens qui arrivent à transformer le bouchon fécal, qui est un objet comme ça obturant au point de passage entre l'intérieur et l'extérieur de l'appareil psychique, en quelque chose de distinct et qui travaille cette nuance-là. De toute façon, c'est là la différence, je crois, qui est le plus franc, c'est que ça ne se fabrique qu'en général au dépens de l'analyste. Ça, il y a un truc qui est très très curieux, c'est qu'on passe dans une analyse obsessionnelle, c'est souvent les plus longues, d'après, mais c'est vrai d'ailleurs, les analyses obsessionnelles, c'est toujours au dépens de l'analyste. C'est-à-dire que le moment d'audace où le patient va réussir à prélever un trait de l'analyste, ce trait de l'analyste, il va le lui voler. Et il va, grâce à ce qu'il a volé, transformer le bouchon fécal en un artefact qui lui permet de retourner son rapport à la réalité. C'est quelque chose qui implique un dommage qui est fait à l'analyste. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un moment, la haine réussit à s'exprimer sur le mode de lui prendre un trait et de s'en servir pour fabriquer cet objet-là. J'ai dépassé terriblement mon temps, mais si je voudrais terminer quand même en vous disant une chose, une dernière chose qui est de nature anthropologique. Pourquoi c'est extraordinairement important de se soucier de la condition anthropologique de nos patients, des conditions, voilà, des supports culturels, symboliques, des formes de vie, des affects privilégiés, de ce qu'on en fait dans le monde dans lequel nous sommes, et de ne pas confondre tout, de ne pas écraser des époques différentes et des réponses psychanalytiques différentes à des questions qui sont différentes pour les individus à différents moments du développement de nos sociétés. C'est parce que la névrose obsessionnelle, c'est pas le diabète. On peut très bien considérer, c'est pas le diabète, c'est pas la fièvre jaune. On peut, même si on a un traitement médical de la chose, on ne peut pas imaginer qu'il puisse y avoir des sociétés humaines dans lesquelles la tâche de la séparation d'un autre qui nous a fait défaut dans des moments cruciaux ne soit pas source de troubles. Tout simplement parce que ça voudrait dire que nous ne sommes pas vraiment attachés aux autres. Ça voudrait dire que nous n'aimons pas les parents. Ça voudrait dire que tout ça, c'est complètement des histoires qu'on se raconte ou des conventions sociales, des choses comme ça. Et ça voudrait dire que nos corps, notre sensibilité, notre sexualité, le fait d'être un petit garçon ou une petite fille, n'auraient aucun rapport avec tout ça. Et partout, ces choses-là ont lieu. Et qu'une société, ce serait une société anormale, qu'une société où il n'y aurait pas d'obsédés, une société où il n'y aurait pas de mélancoliques, où il n'y aurait pas des gens qui montrent par leur mort psychique ou par leur douleur, que c'est réel la présence des normes sociales dans la vie subjective et physique des individus. C'est ça qui est tout à fait frappant. Et je dirais même, par exemple, si vous l'éclairez de ce point de vue-là, la psychose maniaco-dépressive, toute génétique qu'elle puisse vous paraître, une société où il n'y aurait pas de psychose maniaco-dépressive, ça voudrait dire que c'est une société où les normes de la joie et de la tristesse n'entreraient pas dans les corps et peut-être même dans les cerveaux et dans la fabrique des enfants et des adolescents, au point que certains, s'ils font des choses qu'il ne faut pas faire, vont mourir, vont souffrir atrocement. Et donc, c'est parce que c'est réellement incarné, ce dont on parle, ce dont Lacan parle avec le signifiant, c'est réellement incarné, que ce ne sont pas, c'est pas la fièvre jaune, c'est pas des parasites. C'est qu'il faudrait une société où il ne pourrait pas y avoir des obsédés, des psychoses maniaco-dépressives, ça poserait un vrai problème. En revanche, je ne suis pas du tout sûr que, par exemple, des choses moi, qui me paraissent beaucoup plus biologiques, comme l'autisme ou certaines formes de schizophrénie, par exemple, je ne suis absolument pas sûr que ce soit la même chose. On va très bien imaginer des sociétés sans ça. Bon, je ne sais pas, hein, je le maintiens en suspens. Une fois que vous vous êtes dit ça, vous êtes complètement guéri de l'inquiétude qui saisit tout le monde en disant « mais la psychanalyse est inefficace sur la névrose obsessionnelle ». C'est pas que c'est inefficace, c'est que de toute façon, la seule chose que nous pouvons faire, c'est accompagner quelqu'un dans un enjeu pour lequel il n'est pas malade, il est juste humain. C'est ça qui est... Je crois que c'est vachement important de marquer ce truc-là. Il est juste humain. Et ça va, et il en va de même dans le suivi psychanalytique des psychoses maniaco-dépressives. Je suis malade. Écoutez, on va peut-être réserver cette chose-là. C'est pour ça que je fais lire tout le temps l'idée de mort suggérée là, de Mauss autour de moi. C'est que dans l'idée de mort suggérée de Mauss, c'est là le Maori qui a violé un tabou et qui meurt en 3 jours, qui est en pleine santé. Mauss dit, c'est pas un malade, c'est un homme pleinement socialisé. Quand on a violé un tabou et qu'on est Maori, on meurt. Mais on meurt réellement, quoi. Le cœur s'arrête, le guerrier, là, se couche, s'allonge, 3 jours après, il est mort. Et Mauss dit, ça, c'est pas la preuve qu'il y a une épidémie de psychose maniaco-dépressive ou de mélancolie chez les Maoris. C'est-à-dire que la vie sociale, c'est réel. C'est que quand vous êtes un Maori, la manière dont vous avez intégré pour être un guerrier, un homme tatoué, vivant dans cette tribu, etc., rattaché au cosmos, aux aliments, à la différence des sexes, à la filiation, de la manière dont vous l'avez fait, ça veut dire que si vous avez bouffé dans le mauvais sens votre racine d'igname, dans 3 jours, vous serez mort. Parce que c'est le monde qui se défait. Et que votre corps... votre cerveau, votre cœur, votre souffle, votre circulation sanguine sont pris là-dedans. Il en va rigoureusement de même pour nous. Voyez ? Et donc la question de l'inefficacité de la psychanalyse, on ne va pas dire, comme je dis souvent, les gens qui prétendent soigner les TOC avec des TCC, ils s'aperçoivent depuis 20 années qu'en réalité c'est une maladie chronique. On suit très bien les... On abrase très bien les pics, et ça c'est vrai que nous ne savons pas abraser les pics, les grands laveurs hein, qui vont dans les services de dermatologie avec de l'eau de Javel sur les mains, ça, c'est pas la psychanalyse qui va arrêter ça. Mais les gens, ils restent toujours chroniques. Et donc, on pense en termes de maladie chronique, mais c'est pas une maladie chronique, c'est des formes de conditions humaines dans lesquelles il serait pas normal qu'il n'y ait pas dans une société les gens comme ça, dans une société comme la nôtre. Une société où l'auto-contrainte est constitutive de notre identité. Vous voyez ? Donc le meilleur argument, le truc qui tranquillise vraiment sur l'efficacité ou l'inefficacité, c'est d'aller jusqu'au bout, de filer jusqu'au bout le fil de la notion anthropologique et de dire qu'il y a des pathologies, et pas toutes, hein, mais des choses qu'on appelle des pathologies, qui font partie de la condition anthropologique des gens, et que donc, lorsqu'on accompagne quelqu'un qui est pris dans ces trucs-là, si graves que soient ces symptômes, il n'y a pas de faute quand on ne réussit pas à trouver le point où il peut fabriquer un artefact, imaginer un artefact qui va lui permettre de réussir ce qu'il n'a jamais réussi. D'autant qu'il a toujours les meilleures raisons du monde d'avoir fait ça. Une maman maniaque, comme j'ai pu voir, ou une maman qui, à un moment particulier, tellement dépressive que le gosse, dans un point crucial de son développement, s'en rappelle. Sa mère regardait à travers lui. Et donc là, du coup, il a commencé à faire le siège de sa mère. Il a constamment été auprès de sa mère pour le faire le siège, jusqu'à ce que ça se transforme en obsession. Et que le noyau de ses obsessions d'adulte, 40 ans plus tard, c'est des transformations réglées, comme dans un rêve, de ses premières tentatives de ressaisir un autre qui se dérobe, tout en étant extrêmement angoissé, évidemment, inceste, que l'autre qui se dérobe ne se dérobe pas, et tout d'un coup, c'est les yeux de la mère se reposent sur l'enfant, et le saisissent. Donc, mélange incroyable de protection et de saisie. Je crois que ça, on peut le penser avec des concepts bioniens, et sont mes adieux à la névrose obsessionnelle. Voilà.